Okay, donc je m'appelle Martine Stebler, je suis géographe de formation et géographie urbaine. Et j'ai commencé avec beaucoup de travaux dans l'urbanisme. D'accord. Et à Paris. Et ensuite je suis revenue par ici, j'ai fait beaucoup de documents sur l'évolution du territoire. Donc j'ai travaillé à différents niveaux, l'État, pour le département, pour machin, pour truc. Et j'ai toujours gravité mes missions autour de la Loire. J'ai compris quand j'ai travaillé à Saint-Nazaire pendant une dizaine d'années sur le développement de la ville. D'accord. Et après, je suis entré à une structure qui s'appelait l'Association communautaire de l'estuaire de la Loire, qui était une structure politique. D'accord. Totalement politique. Mais après, je vous en reparlerai sur les photos. Et qui a beaucoup œuvré pour mettre un peu d'ordre dans la Loire et dans son estuaire. Au niveau gouvernance, qui n'est pas forcément réglé aujourd'hui, mais aussi au niveau connaissance et projet pour faire. Et c'est là que je suis monté ce qu'on a appelé le groupement d'intérêt public Loire-Estuaire, qui est l'organe d'information, d'acquisition de connaissances, diffusion des connaissances, mais aussi programme de réhabilitation de la Loire. Voilà, donc j'ai fait ça pendant les dernières années de ma vie, et maintenant je suis en retraite. Mais c'est vrai, je connais extrêmement bien la Loire et son estuaire, son fonctionnement, son histoire. Voilà. C'est la raison pour laquelle, quand Nantes Métropole a voulu lancer son grand débat Loire, Nantes, la Loire et nous, ils ont créé un comité de... On appelle ça de pilotage. Ouais, un comité de pilotage. Un comité de pilotage. Il y a tellement. Un copil là. Ouais, oui, il y a tellement d'expressions pour signifier oui, cela. Ça. Donc, c'était un copil qui rassemblait des gens de la société civile et des élus. D'accord. Et nous, on était chargés de surveiller la mise en place de ce débat Loire et de le suivre et ensuite d'en faire la synthèse générale. D'accord. Donc le débat Loire a été monté, c'était l'objectif, demander aux citoyens, donner la parole aux citoyens pour voir comment ils voyaient la Loire demain. Quels étaient les projets, quelles étaient leurs possibilités, leurs machins, leurs trucs. Donc c'est un débat, vous n'étiez pas à Nantes peut-être à cette époque-là. Si, si. 2015. J'ai commencé en 2015. Et pour pouvoir récolter la parole citoyenne et des acteurs, il y a eu Facebook, il y a eu Internet, il y a eu des cahiers d'acteurs. Donc, c'est pas rien, 116 cahiers d'acteurs, 450 pages, 40 initiatives collectives qui ont dans les communes ou dans les associations pour permettre aux gens de se rassembler et de discuter qu'est-ce que eux voulaient de la Loire. 40, c'est quand même pas rien. Bien sûr, Il y a eu, une grande journée citoyenne du 30 mai. Il y a eu un comité citoyen avec les habitants, je vous en prie. Je te dérange ? Oui. Ok, je reviens tout à l'heure. Ouais, dans une heure et demie. Et surtout, il y a eu 791 contributions écrites. D'accord. Donc ça a duré bien peu de temps. Ça a duré tout le temps. Un an, un peu plus de 12 mois. On a récolté tout ça, avec vraies animations. Des auditions publiques. Ouais. En faisant venir par exemple sur les projets urbains des grands architectes, ils venaient répondre aux questions que nous on posait, ou sur le développement économique, ou sur le milieu naturel. Donc on a vraiment aussi fait beaucoup de réunions publiques et d'auditions. Quand nous on se sentait que dans ce petit comité, il manquait des experts. Et puis même des questions innocentes de citoyens ou d'acteurs un peu plus informés. Et du coup, c'était une structure indépendante C'était totalement indépendant et bénévole. Oui, c'est ça, ouais. Mais du coup, parce qu'il y a quand même, après, c'est je sais pas, juste question, est-ce que c'était géré du coup par... Nantes Métropole, du coup, mais son département peut-être en environnement... Non, elle a un département parole citoyenne. Ah oui, donc c'était vraiment énorme. sur le côté, oui. Non, mais c'était juste de... Ouais. Et ça, sur Nantes, on peut pas ordonner ça, c'est vraiment... la parole citoyenne est extrêmement demandée et très bien organisée. Enfin, ça pour voir. Rarement vu ça. Donc voilà. Et donc nous, on a notre petit pupil. Comment il s'appelait ? C'est pas grave. Hein. C'est pas ça. C'est là. Là, on s'en fout. Donc nous, on a eu l'été pour rendre notre rapport. Donc on a fait la synthèse de toutes les propositions qu'avaient faites les citoyens, ou des observations, ou les acteurs, etc. Donc on en a fait la synthèse. C'était très intéressant, mais c'était un peu lourd quand même. Mais c'était super passionnant. Et nous avons rédigé un rapport qui s'appelait Les préconisations, et nous l'avons remis à Nantes Métropole sur ce cahier de préconisations qui récoltait des acteurs et des citoyens. Nantes Métropole a pris des engagements. Et des engagements dans les grands thèmes, on va y revenir, mais elle a aussi pris un engagement de créer une mission Loire à l'intérieur de ses services pour pouvoir suivre tous les engagements qui étaient faits. Et elle a pris, au niveau organisationnel, on va dire, je ne parle pas des contenus, donc la mission Loire, qui est donc gérée par Rémi David, que vous avez vu. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un peu différent. Donc c'est une organisation interne à notre métropole, et puis a créé une conférence permanente Loire, ce qu'on appelle la CPL, qui était une demande de l'ancien Copil, pour dire, ou de l'atelier citoyen, c'est pareil. On a pris une responsabilité vis-à-vis du citoyen, on a pris sa parole, on l'a rendue, etc. etc. Maintenant, Nantes Métropole prend 30 engagements, est-ce qu'ils les suivent? Est-ce que c'est dans le bon sens? Parce qu'il y avait des valeurs qui ont été dégagées de tout le débat. Et les valeurs sont importantes. Donc les engagements qui sont pris correspondent-ils au contenu du matériel, mais aussi aux valeurs. Donc ils ont créé la conférence permanente Loire, qui rassemble 19 personnes issues de l'ancien Copil, issues de l'ancien comité citoyen, d'accord, et quelques élus. Okay. Et puis des personnes représentant des grands acteurs. Le port, la Navigation de France, qui interviennent énormément sur la Loire, bien entendu. Voilà. Donc la conférence permanente Loire a été mise en place, et nous on fait un rapport tous les ans sur, au vu et à l'analyse des engagements, et la mise en œuvre des engagements de notre métropole, sur les 30 engagements. D'accord. Et question bête, mais donc par rapport au territoire étudié, on reste sur le territoire de la métropole ou on va au-delà? Non, mais je me doute de la réponse. Mais alors, qu'est-ce que c'est la réponse? Bah, je pense que la réponse, c'est qu'il y a des interdépendances et que les gens savent bien que l'histoire de la Loire s'arrête pas à Bouguenay. Enfin, le fait de réfléchir sur la Loire s'arrête pas à Bouguenay pour notre métropole, surtout si on travaille avec le port. Oui. Donc l'idée, c'est de pouvoir. Mais c'est à la fois main gauche et main droite. On est à l'intérieur du territoire métropolitain, il y a des projets à monter. Ce sont des projets qui intéressent avant tout le territoire métropolitain. Bien entendu, ils ne sont quand même pas idiots. Ils savent bien qu'il y a un aval, il y a un amont, et que l'eau du fleuve, elle passe dans les deux sens. Donc forcément que c'est un peu débordé sur l'amont, que c'est débordé sur l'aval. Obligatoirement. La Loire, elle est une et unique. En arrêtant de la questionner, il y a la partie aval, il y a la partie nantaise, après il y a la partie amont. Donc non, ça quand même. Mais si je parle longitudinalement d'une prise en compte amont et aval, nous, ce qu'on a amené aussi, ce que les citoyens ont quand même apporté, enfin dans le débat, c'est qu'il y avait le fil de l'eau, bien entendu qu'il y a le fil de l'eau. Mais il y a les berges. Bien sûr. Eh ben oui, mais ça, faut le conscientiser. Oui, et puis il faut que tout le monde s'en rende compte. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on voyait les projets des architectes à l'époque, maintenant ça a beaucoup changé. Ils ont quand même. Bon, ils faisaient leurs petits projets, machin. Hein? Or. Mais ils ne regardaient pas ce qu'il y avait en dessous de A, ils ne regardaient pas ce qu'il y avait au-dessus de A, ils ne regardaient pas ce qu'il y avait de l'autre côté de la Loire de A. Parce que là, il y avait un autre projet qui s'appelait B. Parce quand même se correspondent. Je sais pas, il y a quelque chose qui a un nouveau paysage de la Loire à construire. Bon, ben nous, quand on est arrivé, ben, c'était un petit peu compliqué parce que chacun faisait, vous savez comment on appelle ça, le plateau de fromage. Hein, chacun son petit quart. Son petit machin. Donc, oui, bien entendu, là, dans la réflexion, on est obligé de prendre l'amont et l'aval, et aussi de prendre l'étoile d'eau et de prendre les paysages correspondants, et arrêter de considérer qu'il n'y a que l'eau parce qu'il y a les berges. On est bien d'accord. Voilà, et ça c'est important. Bien sûr. Bien sûr. Ok ? Oui. Stop. Donc. Stop. Bon, je vous ai parlé de l'organisation. Maintenant, il y a la conférence permanente Loire. On rend notre rapport tous les ans sur le suivi des engagements, si c'est dans le bon sens, etc. Bon, le contenu maintenant. Mmh. Alors ça, vous allez l'avoir sur Internet, entre la Loire et nous. Mmh. Grosso modo, ça a quand même été structuré sur 4 grands thèmes. Bien sûr. 1, 2, 3, 4. La Loire, source de plaisir. La Loire, source de promenade. La Loire, patrimoine écologique à préserver. La Loire, support d'activité économique, les nouveaux paysages en bord de Loire et une Loire plus franchissable. C'est vraiment tout le problème des franchissements qui a été un petit peu à l'origine aussi du montage de cette consultation des citoyens. Alors là, je vous en ai cité 6. Mais quand on va dire la Loire, source de plaisir, source de promenade, ou on est dans utilisation plus naturelle. Après, il y a l'économie, après, il y a les franchissements, et après, il y a les nouveaux paysages avec tous les projets urbains. Donc, ça en fait grosso modo, on peut. C'est pas de problème. C'est pas de problème de rassembler s'il y en a 4, s'il y en a 6. Alors, la Loire, source de plaisir, les grands engagements, bah, vous, moi, je vais pas vous les détailler. Non, parce que non, ça, et puis vous nous aviez donné, mais comment bah, vous aviez, ça vous aviez tout ça. Donc, d'accord. Par contre, pour en revenir, moi, à mon métier, qui était le métier de géographe et d'information et d'acquisition de données sur la Loire et son estuaire, on s'est aperçu, c'est que les gens ne connaissaient pas leur milieu naturel. Ils ne savent pas ce que c'est que la Loire. Ils ne savent pas ce que c'est, ou alors ils ont perdu ce qui pouvait être une connaissance de la Loire. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants, donc il n'y a pas la tradition familiale, viens, je vais t'emmener voir la Loire, ou, parce que on est attiré sur autre chose, on sait strictement rien, mais on a quand même perdu la connaissance de la Loire. Or, je pense, et ça je le mets dans une des diapos, on ne peut pas aménager sans savoir. D'accord. Eh bien, il faut le savoir pour aménager. C'est clair et net. Ça, c'est, j'ai appris ça toute ma vie, 40 ans d'aménagement du territoire et d'intervention sur les milieux. On ne peut pas aménager sans savoir. On ne peut pas faire sans savoir. C'est pas possible. Et ça, ça va revenir quand on va parler du diaporama que je vais vous le donner, mais alors il est vrac. Hein. Quand il y a eu des grands conflits dans l'estuaire, chaque fois l'apaisement est arrivé d'une connaissance mutuelle, une connaissance indépendante, une connaissance pour tous. Ça permet de se mettre autour de la table et d'avoir les mêmes munitions, le bouquet de fleurs. Et comme ça, on peut construire quelque chose. Donc la connaissance est extrêmement importante. Et ça, c'était vraiment une des grandes... Vraiment, il faut accentuer des engagements de notre métropole sur la connaissance de la Loire et de son estuaire. C'est un peu compliqué parce que c'est que notre métropole, il faut aller un petit peu plus loin. Bref, il y a une structure qui acquiert les connaissances, il y a des structures qui sont passeuses de connaissances. Donc on va vraiment organiser un peu ça pour que le Nantahir commence à reconnaître sa Loire. Mais du coup, parce que là, on fait un peu le distinguo entre les citoyens et les services de la ville. Pareil. Pareil. Pareil, oui, mais du coup, on sent qu'il y a du travail pour reconnecter, ou pour connecter tout court d'ailleurs, les citoyens à la Loire. Mais il faut se connecter les services de métropole à la Loire et les politiques. Oui, bien sûr. C'est un jeu à trois. Ouais, mais les politiques, ça va. Mais Il peut faire mieux. Faire plus. Je ne sais pas si c'est mieux, mais bon, il faut... Si, ça va encore. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. Ok. Donc moi, on va passer les diapos. On est bien d'accord. Je n'étais pas forcément... Je n'ai pas passé 3 jours ou 4 jours à refaire un diaporama. Donc j'ai utilisé des diaporamas que moi, j'avais déjà constitués. Je les ai passés depuis. Beaucoup viennent du travail que j'ai fait pendant 10 ans au groupement d'intérêt public Loire Estuaire sur la connaissance de la Loire et la diffusion. Je vous ai rajouté quelques diapos. Il n'y a pas forcément un fil conducteur. Il y a vraiment un état de ce que c'est que la Loire et de sa connaissance. Quelles sont ses problématiques et quelles sont les interrogations qu'on peut se poser sur habiter le fleuve, quoi. Très bien. Par exemple. Parfait. Mais en tout cas, ça va vous donner une connaissance du fleuve. Parfait. D'accord. Parfait. Ok, alors on y va. C'est parti. Je vous laisse... Oui. Oui. Ça, c'est bien la première page. Ouais. Alors, vous voyez, ça passe pas très bien. Mais c'est pas grave. Non. L'échelle de la géographie et de l'histoire. Parce que on peut pas non plus aménager si on ne connaît pas l'histoire du territoire, si on ne connaît pas ses références, et si on ne connaissait pas sa respiration, son odeur, ses ondes. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, c'est le lieu original des rencontres, donc, la richesse que ça inclut. La grande histoire, c'est le désaménagement sur N siècles, ça veut dire 2-3 siècles, la destruction du milieu du fonctionnement équilibré de l'estuaire et les conséquences que ça a eues. Et puis, la petite histoire plus récente et moins bien connue, vous allez comprendre quand je vous pose le machin, de la privatisation en partage. Je veux dire qu'avant, il y avait un opérateur sur la Loire et son estuaire, un seul, unique opérateur. Et personne n'avait le droit de regarder ou de dire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on est au partage et on est partage avec le citoyen. Je vais vous montrer ça, parce que c'est quand même une histoire psychologiquement intéressante sur la Loire. Et aujourd'hui, que pouvons-nous faire ensemble ? Il y a des diapos qui n'intéressent pas forcément votre interrogation, mais bon. Ah, mais nous, je vous assure qu'on a un point de vue très holistique. Enfin, notre interrogation, on verra plus tard si ça vous intéresse. Okay. Donc, la Loire océane, aussi dénommée la Loire armoricaine, la Loire estuarienne, la Loire inférieure, la Loire atlantique, la Loire aval, la Basse-Loire, l'estuaire de la Loire. Bon, bref. En tout cas, ce qu'on est là, on a cette petite carte qui montre la Loire et surtout son bassin versant. Savez-vous que quand même le bassin versant de la Loire, c'est tout passe sous le pont de Chaviré, c'est quand même 20% de la France. C'est un cinquième de la France, c'est le plus grand bassin versant de la France. Donc tout ce qui tombe là, en bas, ça se retrouve là-bas. Ici. Oui. Ça se retrouve sous Chaviré, par exemple. Mais tout ce qui passe sous Chaviré ne remonte pas tout en haut, parce que... Mais c'est quand même important de savoir qu'on est ici, nous, à Nantes, au fond, au débouché de 20% du territoire français. Et je peux vous dire, quand on a travaillé beaucoup sur le plan Loire, Grandeur Nature, ça c'était dans les années 90-2000, l'estuaire, c'est nous, hein ! N'oubliez pas que on reçoit tous ceux qui viennent chez vous, donc on pourrait être pris en compte aussi. L'estuaire était, par rapport à la Loire, c'est un territoire un peu différent. Mmh. Pas forcément oublié, mais on n'a pas l'impression que ça appartenait... Enfin, ça a beaucoup changé, mais vous savez, tous les fleuves ils débouchent dans la mer et ça s'appelle un estuaire. Ben, la Loire aussi, c'est un estuaire. Donc 20%. Alors, ici, c'est qu'est-ce que j'ai dit ? Bon, rien du tout. Un estuaire, la rencontre. La rencontre. Alors, c'est la rencontre de quoi ? Ben, c'est la rencontre de l'eau salée et c'est la rencontre de l'eau douce. Mm-hmm. Et cette rencontre de l'eau douce et de l'eau salée, c'est extrêmement important et extrêmement productif. Alors, l'eau de mer s'est soumise au cycle des marées et au cycle des viseaux et des mortes eaux. C'est très régulier, extrêmement régulier. C'est environ 150 milliards par an d'apport d'eau de mer dans l'estuaire de la Loire. Et puis c'est la rencontre avec les eaux de la Loire. Il y en a beaucoup moins. Il y en a de 9 à 62 milliards selon les années, si c'était les années pluvieuses ou pas pluvieuses. Mais là, vous voyez ici, sur un an, c'est extrêmement régulier. Et puis là, c'est totalement... C'est pour ça qu'on appelle ça un fleuve sauvage, parce qu'il est modéré. On appelle pour ça le dernier fleuve sauvage, parce qu'on ne sait jamais si l'année prochaine, il y aura peu ou pas beaucoup d'eau. Et ça dépend des saisons, ça dépend des jours. C'est toujours, toujours. Voilà. Et vous vous rendez compte que entre les basses mers, les hautes mers, les petites eaux, les grandes eaux, les moyennes eaux, et puis cette immodération des eaux de la Loire, ça fait toujours des lieux de rencontre un peu différents, des degrés de salinité, des degrés d'eau douce un petit peu différents. C'est ça qui fait la richesse. Donc, un estuaire, c'est la mobilité, avant tout. Et c'est important. Alors, ça, cette mobilité, cette rencontre des eaux douces, des eaux salées, ça donne quelque chose d'extrêmement riche. On sait que les zones estuariennes, c'est les zones les plus productives du monde, au niveau des espèces végétales, des poissons, des machins, de la biomasse, des oiseaux, tout ce que vous voulez. Alors, là, ça part de soi-même. Quand on part de l'eau jusque sur les berges, jusqu'au coteau, et ben là aussi, c'est aussi des milieux qui sont extrêmement mobiles sur le recouvrement des eaux, et ça donne des écosystèmes qui se juxtaposent les uns aux autres et qui sont effectivement, cette rencontre est très très riche. Entre les prés de Loire qui sont un peu plus hauts, puis après les marais de pied de coteau, c'est extrêmement important. La Loire, encore une fois, on ne considère pas que le fil de l'eau, on considère qu'il y a des berges au sud et il y a des berges au nord. D'accord, y compris dans la Nantes métropole. Donc, alors, vous voyez, ici, cette petite carte, elle est importante parce que ça, c'est ce qu'on, c'est à peu près courant dans l'estuaire de la Loire. Donc, on est en aval de Nantes. Oui. En amont, c'est un petit peu différent. C'est c'est Rémaïs. Ça, c'est non, je pense que c'est Couéron ou Cordemais. L'été, non, c'est Saint-Étienne, c'est Couéron. Donc, c'est dans l'Antétrope. Ou Saint-Étienne-de-Montluc. Bon, fait ça pas tardé. Okay. Et donc, là, c'est pour montrer que ces milieux-là sont complètement dépendants des eaux de la Loire, puisqu'ils sont depuis 2-3 siècles gérés par des syndicats de marais qui ont aménagé des circulations d'eau depuis la Loire jusqu'à la parcelle. Et puis, quand c'est le contraire et compliqué, qu'il y a des projets d'eau douce vers la Loire. C'est un réseau de hydrographique extrêmement complexe. Et c'est ça aussi qui donne toute cette richesse dans les marais estuariens. D'accord. Qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît mal. Mais alors, du coup, si ça a été créé par la main de l'homme... Oui, ça a été créé par la main de l'homme. Qui, est-ce que c'est toujours l'homme qui l'entretient? Oui, il faudrait. Hein? Oui, c'est toujours l'homme qui l'entretient. Ce sont les agriculteurs qui démarrent. Dans les syndicats des marais. Je trouve qu'ils ont beaucoup de difficultés. Parce que... l'agriculture de marais... C'est une agriculture très spéciale. Les tracteurs ne rentrent pas. Bien sûr. Oui. Donc, il n'y a pas d'intrants. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de trucs. Donc, c'est pas vraiment du bio, mais c'est de l'élevage. Il y a beaucoup d'élevage, énormément d'élevage. Seulement, quand ils vont aux abattoirs, c'est pris à la vache ordinaire, quoi. Ils n'ont pas de valorisation. Ils ne peuvent pas justifier... Non, il n'y a pas de label, il n'y a rien. Enfin bon, ça c'est un aparté. Mais c'est n'empêche que la production et les écosystèmes estuariens sont riches parce que ils sont entretenus. Et quand les gens disent il n'y a qu'à rien faire, puis la nature reprend ses droits. Attention, dans les zones estuariennes, dans les zones de marais, la nature reprend ses droits. Ça va être de la roselière, c'est extrêmement importante, mais il ne faut pas que de la roselière. Des successions de milieux. Or la rivière elle donne un milieu plutôt fermé et donc ce sera pas aussi, enfin, ce sera très très riche, mais ce qui est important aujourd'hui c'est que ce système est ouvert et entretenu. Il n'y a pas donc l'estuaire et les marais ça s'entretient. Donc ça c'est la richesse des oiseaux. Entre 70 000 et 200 000 oiseaux hivernent chaque année dans l'estuaire. Il y a plus de 200 espèces d'oiseaux. Donc vous voyez les migrations. Hein. Je ne vais pas vous les détailler. Non, et voilà les différentes espèces. Les différentes espèces selon les milieux. Ouais. Donc c'est d'une grande richesse. Les poissons de Loire, 80 espèces de poissons, 40 plus courantes, il y a 40 qui sont un peu moins courantes, avec des choses qui sont extrêmement marrantes. Parce que vous avez des poissons qui naissent très en amont. Dans la Loire amont, dans les affluents amont, et puis qui descendent, et puis qui vont, comme par exemple le saumon. Et puis après, ils reviennent. Et puis ils reviennent, ils remontent l'estuaire, ils remontent les eaux, ils reviennent pondre où ils sont nés. Oui, ce qui est caractéristique des saumons, on en a beaucoup parlé au Canada d'ailleurs. Et c'est intéressant, ce matin, j'entendais le responsable de WWF. Mais je ne connais pas, mais il disait qu'a priori, on avait réussi en tout cas à augmenter la population de saumons en Loire ces dernières années. C'est vrai, mais il faut voir les plans qui ont été mis en œuvre. Il y a des plans salmonicultures incroyables qui ont été mis en œuvre. Alors, ça a passé par l'effacement de tout barrage, petit barrage hydraulique dans la Loire amont. Donc ça, on les a effacés. Ça a été effacé aussi par des grands barrages, c'est le plan Loire en nature. On a créé des salmonicultures, on a créé des nourrisseries pour les saumons. Des nourrisseries, on a essayé de faire pondre le saumon et puis après de remettre les œufs dans les endroits où il fallait. C'est la salmoniculture. La qualité de l'eau de l'estuaire où il passe, c'est beaucoup amélioré. Au niveau de l'oxygène. Depuis quand à peu près, quand on dit ça? Depuis... un peu la désindustrialisation des animaux. Non, les stations d'épuration. D'accord. Et puis les normes. De rejet. Ouais. Ils ont été plus strictes. Donc, ils ne crèvent plus. Alors, c'est marrant, ça, c'est les saumons, mais vous avez aussi les anguilles, qui, elles, naissent dans la mer des Sargasses. Vous savez où c'est la mer des Sargasses? Plus très bien là. C'est de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. C'est de l'autre côté de l'Atlantique, la mer des Sargasses, ils viennent des petits alevins de civelles, on appelle les civelles, les alevins d'anguilles. Ils arrivent dans l'estuaire, ils ont déjà 3 ans. Et elles vont remonter en zone amont. Elles vont devenir anguilles pendant 10, 13, 15 ans. Et elles vont redescendre pour aller pondre dans la mer des Sargasses. D'accord, incroyable. D'accord. Donc vous avez des migrations mer, fleuve ou fleuve, mer. Ça dépend des espèces. Il y a beaucoup d'autres poissons migrateurs. Il n'y a pas que le saumon et la civelle. Il y en a plein d'autres. Voilà. Vous avez tout ça là-dessus. Hein, et puis dans l'estuaire de la Loire, vous avez aussi beaucoup de nourrisseries de poissons. Surtout en aval, il n'y en a pas en amont, l'estuaire est beaucoup trop aménagé. Il y a beaucoup de nourrisseries de poissons. Par exemple, vous avez les dernières nourrisseries de sole. C'est-à-dire que c'est des petites soles qui viennent, qui bouffent jusqu'à 3 ans, et après elles s'en vont dans les gaules de Cascogne. Mais c'est pareil pour le quand vous parlez des, vous appelez nourrisserie, on parle d'un milieu, pour le coup d'un... Une nourrisserie, c'est sur les vasières, c'est sur les bancs de sable. Il y a plein de petits vers, il y a de bintos, on appelle ça, des faune bintos. Et là, ils viennent bouffer. Selon quand ils ont 1 an, c'est là, quand ils ont 2 ans, c'est là, quand ils ont 3 ans, c'est là. Mais s'il n'y avait pas ces nourrisseries dans l'estuaire de la Loire, mais je sais bien que ce n'est pas Nantes, néanmoins, il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de sol, il n'y aurait plus de bar. C'est toujours en relation d'interdépendance. Enfin... C'est la zone d'interdépendance. Donc, puis vous regarderez ça après. Hein, sur les fréquentations, sur les selon fréquentations, les espèces. Selon les, et puis selon les saisons. Après, là, je vous ai mis. Ça là, je l'ai ressorti il n'y a pas très longtemps. C'est pour vous montrer, ça c'est l'inondation des zones estuariennes par Cynthia. D'accord. Cynthia, vous rappelez de ça ? Oui, je me rappelle. De... Okay. Donc l'estuaire de la Loire a été assez inondée par Cynthia. Et ça montre que les eaux de la Loire, vous voyez, jusqu'où elles sont remontées. Bien sûr. Donc là, l'interdépendance, encore une fois. C'est pas, il n'y a pas de digue. En Gironde, l'estuaire de la Gironde Oui. Endigué ? Voilà, ici, non. Et alors juste... Enfin, si, il y a eu des endiguements, mais c'est pas la même est-ce chose. Est-ce que, alors, je me rappelle de Cynthia, on a beaucoup parlé de la Vendée à l'époque, qui est une catastrophe humaine notamment. C'est un sujet qu'on a pas mal évoqué, c'est nous, pendant notre travail de résidence déjà, c'est de, d'offrir des espaces de liberté aux fleuves aussi pour qu'ils puissent s'étendre, s'attracter. Est-ce qu'aujourd'hui, juste sur cette carte-là, comme ça, on a eu des. Est-ce qu'il y a eu des. Est-ce que vous vous rappelez s'il y a eu des. C'est démarré. Des morts ou non, des... non, c'est démarré. C'est démarré. Donc on a c'est déjà, démarré. Quelque part, on a déjà ces espaces de liberté. Où il y a des prairies, où l'homme a une activité, mais le fleuve peut aussi s'étendre en cas de besoin. Je ne sais pas si je schématise ou pas, mais non, c'est des espaces de liberté, oui, bien entendu. Okay. Tout à fait. C'était juste une remarque. On peut continuer. Alors là, c'est juste pour amuser. J'ai une grande richesse. Il y a plus de 700 espèces végétales. Mais il y a beaucoup d'acteurs concernés. Donc, il est vrai qu'il y a l'État, forcément, le port et les portuaires, parce qu'il y a toutes les associations des portuaires, le département, la région, les agglomérations, donc Saint-Nazaire, les communautés de communes. Le SILOA, c'est le syndicat qui gère le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. L'Europe, les agences de bassin de l'eau, les agences de l'eau, les industriels, qui sont aussi en association. La Suisse nationale de la chasse de la faune sauvage, le conservatoire littoral, les associations environnementales, Loire Vivante, Bretagne Vivante, la LPO, etc., etc. Les usagers, pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, les syndicats de marais, les habitants, les touristes, les citoyens. Enfin, ça fait beaucoup d'acteurs concernés. Le SILOA, c'est quoi ? Le SILOA, c'est le syndicat... le syndicat intercommunal de la Loire, c'est le syndicat qui gère le SAGE. Le SAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ok. Oui, bon, on intègre. Je connais bien le SAGE, mais là, c'est pas un truc sur le SAGE. Le premier SAGE de l'estuaire de la Loire, c'est nous qui l'avons fait au GIP. Maintenant, on a externalisé ça sur un syndicat. Voilà. Très bien. Alors, la grande histoire des aménagements. C'est-à-dire que tous les estuaires, que ce soit la Loire, la Seine, tous les lait, sont toujours été une vraie pénétration vers les continents. Forcé, facile. Et donc, on a voulu aménager, que ce soit n'importe où, pour pouvoir remettre la navigation le plus en amont possible, de manière à transporter. Les projets étaient sur la Loire, de pouvoir connecter la Loire à Paris, par le canal de Brouillard, etc. Donc on a voulu rendre la Loire navigable très très en amont. Et on a voulu aussi que Nantes ne perde pas son statut de port. Donc il a fallu beaucoup aménager l'estuaire de manière à ce que Nantes ne perd pas son statut de port. Pourquoi ? Face à l'augmentation du tonnage, c'est ça ? Face absolument à l'augmentation du tonnage, donc des tirants d'eau admissibles. Les tirants d'eau, c'est la profondeur. Bien sûr, bien sûr. Okay. Voilà. Et donc, il fallait aménager pour pouvoir que les bateaux remontent jusqu'à Nantes. Mm-hmm. On ne sait pas trop quoi faire. Donc, on a, selon les siècles, aménagé l'estuaire en A, puis après, on a aménagé le siècle suivant en Z, mais contradictoirement. Je vais vous montrer. Allez, on y va. La doctrine du resserrement au XVIIIe siècle, XIXe siècle. Ouais. On va dire que pour que les bateaux puissent remonter jusqu'à Nantes, on va faire descendre le fleuve jusqu'à la mer. Donc ça, le fleuve, il descend jusqu'à la mer, le bateau, il rentre dans le fleuve jusqu'à la mer, et puis il va remonter le fleuve. Donc, un dispositif d'endiguement extrêmement important au XIXe siècle, avec des digues submersibles, après des digues insubmersibles. Et on le fait surtout sur la partie nantaise, c'est là où il y avait le plus d'îles, le plus d'obstacles avec le sable, machin, etc. Donc on fait ça de manière à qu'il n'y ait plus beaucoup de chenaux, beaucoup d'îles, mais qu'il y ait un chenal. À partir du moment où on concentre l'eau dans un seul chenal, elle va évacuer les sédiments, ça permet le maintien des creusements. Donc ça, c'était vraiment la première doctrine, on va faire descendre le fleuve vers la mer. Donc tout ce schéma dédié. Ensuite, on s'aperçoit que ça ne marche pas parce qu'on le fait que jusqu'à peu près au pèlerin et que en dessous, là il y a une grosse butte de sable, ça s'accumule, ça ne marche pas, ça marche pas du tout. Donc on va faire après, à la fin du 19e, ça va être début du 20e, la doctrine de la séparation. C'est-à-dire qu'on dit, puisque la Loire, elle est pas, ça ne marche pas là, entre le pèlerin et Paimboeuf, eh ben, on va faire un canal latéral qui s'appelle le canal de la Martinière, 17 km, des travaux gigantesques. Des travaux d'ingénierie hydraulique, mais magnifiques, qui sont encore là. Mm-hmm. C'est superbe, c'est magnifique. Mm. Alors, ce canal de la Martinière, bah oui, sur 17 km, il va permettre de passer les bateaux, sauf qu'on est à la fin du 19e. Et à ce moment-là, la voile va être remplacée par les moteurs, et puis on va remplacer le bois par le fer. D'accord ? Donc, les bateaux sont plus gros, donc plus de terrain d'eau, plus de profondeur. Le canal, il a fonctionné 10 ans, 10-15 ans. Et ensuite, les bateaux n'ont pas pu passer par le canal. Ils ne pouvaient plus, parce qu'il n'y avait plus assez de profondeur. On retrouve encore dans l'impasse. Donc, à la fin du début du 20e, quand on voit que ça ne marche pas, on reprend les théories d'un ingénieur qui s'appelait Léchalas, et on fait des grandes lois de 1903. C'est la doctrine de l'ouverture. Le fleuve qui descend vers la mer, ça ne marche pas. Le canal latéral, ça ne marche pas. Donc, on dit, pour que les bateaux puissent remonter jusqu'à Nantes, et ben on va faire monter l'onde de marée jusqu'à Nantes. D'accord ? Ouais. Donc le bateau, il va embouquer la marée à Saint-Nazaire, et puis il va remonter avec l'onde de marée. Mais pour ce faire, là aussi, travaux gigantesques. Donc les travaux gigantesques, c'est tout l'endiguement de la section intermédiaire, c'est-à-dire la section où on avait conduit le canal de la Martinière, hein, parce que ça ne passait pas entre Paimboeuf et le Pèlerin, ben là on va endiguer. On va supprimer les îles, les bras-morts, enfin tout, tout. Et on va faire qu'un chenal. D'accord ? Okay. Comme ça la marée, elle va pouvoir remonter. Et on creuse, on drague. On remblait, on drague pour faire qu'un seul chenal, et surtout on va construire ici en amont de Nantes ce qu'on appelait un bassin de marée. D'accord. Alors, on creuse en amont de Nantes un immense bassin de marée sur 18 km, environ, je crois que c'est 18 ou 19 km. D'accord. On creuse. C'est là entre Nantes et Oudon ? Ouais, c'est ça, exactement, okay. Entre Nantes et Oudon. Je vais peut-être dire Nantes et Oudon. On creuse, ce qui fait que la marée, qui est arrivée jusqu'à Nantes, on va en venir après, et ben, il y a un trou au-dessus, elle remonte. Et comme elle remonte, ben, l'onde de marée remonte bien. Est-ce que vous comprenez ? Non, je comprends. La nature est en horreur du vide. Il y a un vide, et l'eau, elle vient. C'est ce que le creusement du bassin de marée. D'accord. C'est pas rien. Bah non, ça a l'air d'être, gigantesque comme entreprise. Alors, on avait besoin de sable. Ah bah, on va joindre l'utile à l'agréable. Bah voyons. Entre guillemets. Voilà. Ouais. Et puis, ça permettait aussi de pouvoir aménager le début de la Loire amont pour faire aussi que ce soit navigable jusqu'à très en amont. D'accord. Donc, le creusement du bassin de marée, l'endiguement de la section intermédiaire, et puis on va aussi, sur la partie très aval, on va déplacer le chenal qui était au sud, on va le déplacer au nord avec des endiguements. C'est toute la zone de Montoire aujourd'hui. Ouais, hein, ouais. Et puis, on va supprimer tous les seuils et on va aussi boucher les bras de Nantes. De manière, c'est toujours le même système, un seul chenal. Plus de flux au voilà. même endroit, donc... Plus de flux et de reflux. Et de reflux, ouais, en fait, du coup, c'est ça, quoi. Ah oui, c'est les deux. On vient vraiment créer... On supprime tous les traitements. Vous dites un couloir de mouvement, enfin de mobilité dans les deux sens. Voilà, on supprime les parties intermédiaires, on creuse, on fait le creusement du bassin de marée en amont, donc les bateaux remontent. C'est vraiment une transformation... extraordinaire. Extraordinaire, alors, je ne sais pas si... Alors... Non, non, les ingénieurs de 1903, quand ils ont fait ça, ou les ingénieurs du port, après, quand ils ont fait ces aménagements, le mot environnement n'existait pas. Oui, oui. Il n'y avait pas de modélisation, on ne savait pas. On ne savait pas. Ça ne savait rien. On ne savait pas. Oui. Mais ne posez pas la question. Non. Donc faut pas. Et puis en plus, c'était aussi voulu par toute la société civile, parce que quand ils ont fait un référendum entre guillemets pour savoir si on faisait ci ou on faisait ça, ils demandaient quand même les grands acteurs économiques, ils étaient tous d'accord et tous les aménagements qui ont été faits. Alors les conséquences maintenant. Forcément, moi on appelle cela comme ça, on a changé la géométrie du fleuve. Ouais. Et donc tous les paramètres et tous les indicateurs estuariens ont complètement été bouleversés. Ouais, c'est ça. Alors. La géométrie du fleuve, l'estuaire est immédiatement transformée. Vous voyez, là, c'est l'eau en 1850. Ouais. Là, je suis à Nantes, ouais. Et là, je suis au pont de C. Okay. Tout ce qui est bleu, c'est les surfaces en eau. Alors, en principe, maintenant, c'est en bleu marine, c'est en 2000. Vous voyez la suppression de toutes les surfaces en eau. Ah oui. Sur le chenal courant. Je ne parle pas sur les zones d'expansion de cimetière. Ouais, ouais, ouais. Sur le chenal courant. Ici, c'est le fond du lit en 1900. D'accord ? En principe, bah, tous les creusements qu'on a faits, on a le lit qui est enfoncé aujourd'hui ici. Ok. Est-ce qu'on Nantes. Genre la différence de niveau. On les a. Et bah, pour vous montrer un exemple, ici, vous aviez la ligne d'eau en 1900, c'est celle qui est orange. Est-ce que vous la voyez? Ouais. D'accord. On voit qu'elle est bien, flotte. Elle est bien au-dessus du fond. Aujourd'hui. En noir, c'est la ligne d'eau en 2000. Ouais. Vous voyez que la ligne d'eau en 2000 est plus basse que le fond du lit il y a 100 ans. Ouais. On a quand même tout abaissé. Impressionnant, oui. Ouais. D'accord. Okay, ok. Donc tout ça, ça a des conséquences. Alors, c'est sur les limites de la marée. La marée, elle remontait, mal vue, un petit peu au-dessus de Nantes. Elle remonte aujourd'hui à Annette, 37 km en amont. Du bassin de marée, suppression de tous les frottements, ici suppression des seuils, des machins, des trucs, endiguement, pareil, je vais vous montrer. Donc la marée a remonté 37 km en 100 ans. Les gradients de salinité, forcément, sont remontés aussi. Alors c'est quoi les gradients de. Alors le salinité, l'eau de mer. De salinité, d'accord. L'eau de mer est à 35 grammes par litre à peu près, après on arrive à zéro. Donc entre 35 et zéro, vous avez tous les gradients de salinité qui induisent aussi des choses qui sont différentes. Ben là, on les a. On a tout remonté, puisqu'on a fait remonter la marée plus haut. Par exemple, l'angélique de l'estuaire, dont on parle beaucoup, alors maintenant, on la trouve en amont de Nantes, alors qu'avant, elle n'y était pas, parce que les gradients de l'unité sont remontés aussi. Enfin, les... Bref, alors, le sel, il était à Cordemais, et il y avait le panneau, limite du sel. Ah ouais. Et maintenant, il est à Bellevue. D'accord. 30 km aussi. Ce qui fait que... D'accord, dans le pourcentage. Ah, forcément. Dans le pourcentage, oui, oui, mais il n'est pas remonté, parce que quand on sait que la marée remonte jusqu'à à peu près en Ah oui, mais la marée, c'est la marée, c'est une chose, c'est l'onde. Ah. Et le sel, c'est pas pareil. Ah. Hein ? C'est-à-dire que quand le volume oscillant rentre dans l'estuaire, il va pousser tout ce qu'il y a. Et c'est pas forcément que de l'eau salée, il y a aussi l'eau douce. Oui, bien sûr. Non, mais l'onde. Ok. D'accord ? Ah, ouais. Il va y avoir des oscillations, mais c'est pas forcément du sel. Ah, ouais, ok. C'est les forces de. D'accord ? Ah, ouais. Le sel ayant remonté, on est obligé de déplacer la prise d'eau de Nantes en 89, je crois. On va déplacer jusqu'à Oudon, parce qu'elle était atteinte par la limite de salinité. Donc ça coûtait extrêmement cher aux collectivités de Nantes, qui commençaient à se poser des questions aussi. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est important. Alors, il y a ça. Et puis, alors, on est la limite de la marée, la limite du sel. Le marnage, est-ce que vous savez ce que c'est que la marnage? C'est la différence entre la marée haute et la marée basse. En 1900, à Nantes, ici c'est à Nantes, on avait à peu près 2,50 m de marnage. Donc la haute mer, placé 1,50 m, ok, ça n'a pas bougé, ça pas beaucoup. Ouais. Bougé avec l'élévation du niveau de la mer, mais c'est pas ça qui nous intéresse dans cette diapo-là. La basse mer était là. Aujourd'hui, vous voyez que les niveaux de basse mer, pendant un siècle, sont descendus. Aujourd'hui, on est à 6 mètres, 6,50 m de marnage à Nantes. Perdu 3,50 m. On est à là, on est à 0,35 m, on était à 6,55 m, donc on a perdu 6 mètres. Non, on n'a pas perdu 6 mètres. 3,50 m. Oui, 3,50 m. Voire un... Ouais, 3,50 m. Ouais. En marée de vives eaux. En conditions extrêmes. Ouais, en marée de vives eaux. Hein, pas tous les marées. Pas tous les marées. Pas tous les marées. Mmh. En marée de vives eaux. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'aussi qu'on avait cette référence-là en 1987-2003. Aujourd'hui, entre 2000 et 2007, ça ne m'a pas beaucoup bougé. Mmh. Ça, je vous ai rajouté ça ce matin, parce que c'est important. Ouais. Mais toute chose a sa logique. On a pu faire beaucoup de travaux. Bien sûr. On n'a pas réendigué beaucoup. Un petit peu en 76, mais pas très peu. On n'a pas réapprofondi extrêmement. On n'a pas... voilà. Donc... le marnage a pas beaucoup descendu. Il en est de même sur le sel et la marée. Ça n'a pas énormément remonté par rapport aux autres années. Là, quelques centaines de mètres ou un kilomètre. Ok, voilà. Donc ça, c'est... maintenant, 6 mètres. Ici, c'est le bouchon vaseux. Donc le bouchon vaseux, c'est de la vase en estuaire qui prend une forme un peu liquide, qui peut prendre des formes très solides. Ce bouchon vaseux, il y en a dans tous les estuaires. Il est rare qu'il n'y ait pas un estuaire qui est bouchon vaseux. Il y en a, mais c'est très très rare. Donc le bouchon vaseux, c'est une masse vaseuse qui se forme à la rencontre des eaux salées et des eaux douces, des eaux douces qui descendent dans l'eau salée. Il y a une précipitation avec les matières organiques, enfin, tout un système, etc. Ça fait de la vase, ça fait un bouchon vaseux. Le bouchon vaseux, c'est pareil. C'est ça, hein. Vous voyez, c'est... le bouchon vaseux, vous le voyez en l'oscillation du bouchon vaseux selon les débits du fleuve et selon les marées, forcément, puisque c'est tout à fait mobile. Tout à fait. Et vous le voyez en 91, vous voyez que les oscillations sont beaucoup plus grandes. Il a remonté de 28 km en 38 ans. Et là, aujourd'hui, il faut faire très attention avec les prises d'eau, les différentes prises d'eau qu'il peut y avoir, parce que quand même, la vase est... Et par exemple, l'aménagement du petit port de Couéron, c'est une catastrophe avec la vase. Où il y a eu 30 nœuds. Oui. L'aspect de la Loire à Nantes avec le bouchon vaseux, c'est quand même pas extraordinaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la géographie de l'oscillation a tellement changé. Et que aussi, pourquoi est-ce que ça a beaucoup changé? C'est que aujourd'hui, le bouchon vaseux ne s'expulse plus de l'estuaire. Avant, il y avait moins d'eau emmagasinée dans l'estuaire. Hein. Donc, quand il y avait un gros débit du fleuve, le bouchon vaseux s'expulsait de l'estuaire. Aujourd'hui, il faut plus de 4000 m3 seconde, donc presque une inondation, pour pouvoir expulser le bouchon vaseux. Donc, il reste piégé dans l'estuaire. Il reste piégé. Et c'est extrêmement... des conséquences extrêmement graves sur la qualité de l'eau de la Loire, surtout au niveau de l'oxygène, puisque c'est opaque. Il n'y a plus d'oxygène qui rentre, c'est vraiment quelque chose de très turbide, très épais, et là les poissons n'y passaient pas. Aujourd'hui, l'oxygène s'est amélioré, mais c'est grâce, non pas à la diminution d'un bouchon vaseux, c'est grâce aux efforts de qualité des eaux de tout le monde. Il y a encore à faire. Voilà, ok. Oui, parce que ça, c'est... Alors, je me souviens juste que c'est mes premiers rapports. Bah, bonjour, ouais. Après. Ce petit truc-là, c'est surface marnante. Les surfaces marnantes, c'est ce que vous appelez, vous, les espèces de liberté. C'est ce que j'appelle les espèces de liberté près du fleuve. C'est pas celle des marais, hein, c'est celle du fleuve. Ouais. Puisqu'on les a remblayées, pour pouvoir faire un chenal unique et qui fonctionne bien, vous voyez sur ce petit graphique la diminution des surfaces marnantes. Donc, ces espèces de liberté au fleuve, elles ont disparu. Mmh. Donc, tout est piégé. Donc, diminué, quoi. Ok, okay. Alors, je vous ai remis ça ce matin aussi, pour qu'on comprenne bien. J'insiste. Ici, c'est le fond de l'estuaire. C'est ça qui nous intéresse. C'est le fond de l'estuaire, d'accord? Ici, on est à Donges. Ouais. Et ici, on est à Nantes. Ouais. Donc, vous voyez ici les profondeurs. Les profondeurs admissibles pour les bateaux, ce qu'on appelle la côte nominale. Ouais. Ici, à Donges, on est à 13,70 m, enfin, sur l'extérieur de Saint-Nazaire, 12,90 m, 2,85 m, puisqu'on a approfondi pour le terminal Métanier, pour les Donges, ouais. Etc. Donc, on est à 12,85 m. Et ici, il y a un os. Il y a un pas. Il y a un pas, c'est Donges. Ouais. ce qu'on appelle la place des Brillantes. Et ici, on arrive dans le chenal de Nantes. Donc on est à 4,70 m, 5,10 m. Ok ? Ce qui fait que, pour que les bateaux puissent remonter à Nantes, là, on est à marée basse, on va attendre que ce soit à marée haute, ce qui va donner plus de profondeur pour le chenal de Nantes. Néanmoins, la côte nominale, c'est 5,10 m à Nantes, point barre. D'accord. Donc les dragages qui vont être faits pour pouvoir approfondir aujourd'hui, c'est ici, c'est sur la partie Donge, l'extérieur. C'est très peu sur la partie nantaise. Très très peu. Le chenal de Nantes ici, il s'autodrague assez facilement maintenant. D'accord. Ils ont quand même réussi. Hein, ça, ils ont réussi à... Ils ont quand même réussi. Ouais. Ils voulaient aussi que le marnage à... Je vous en prie. Le marnage à Saint-Nazaire et puis les marnages à Nantes soient égaux, bah, ça y est, ça a réussi. On l'a vu sur le petit graphique. Voilà. Donc, voilà. Donc ça s'autodrague à peu près. Et voilà. Je vous l'ai mis parce qu'elle est quand même intéressante. Ça, vous pourrez... tout à fait, ouais. Voilà. Donc, sachez que pour qu'un bateau puisse remonter à Nantes aujourd'hui, il prend la marée haute à Saint-Nazaire. D'accord ? Il a 2h30 pour monter. Pas plus, pas moins. Il a 2h30 pour monter. Quand il monte... à Nantes, il a 2h30 pour monter, il va faire demi-tour à 30 mous, c'est ce qu'on appelle la zone d'évitage, tout à fait, ouais. Et il se remet dans le bon sens, ouais, au souille de Cheviré ou de Roche-Maurice. Donc, okay. Et il attend la prochaine marée descendante. Oui, il a 2h30 pour descendre, pas plus, pas moins. D'accord. Mais là, c'est plus difficile. Il attend la prochaine. Ah bah oui, bah, toi, il faut qu'il décharge. Décharge, ouais. Mais c'est 2h30 le chenalage. Alors, là, je laisse ça, je ne suis pas sûr qu'il faut garder ça. Alors, une persistance des dégradations, c'était fait il y a assez longtemps. Poursuite de la remontée du sel du bouchon vaseux vers l'amont, c'était fait il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un peu stabilisé. Mmh. C'est un peu stabilisé. À voir après avec l'élévation du niveau de la mer. Hein, persignatine de milieu de l'air, c'est sur augmentation de marée. Le Nantes, là, je. Alors, on la retirera celle-là parce qu'elle n'est elle est pas juste. D'accord, ça vous ennuie pas sur le diaporama, on la retirera. Bien sûr. Okay. Pas de retour en attire possible, le milieu ne se gênera pas. Oui, ça c'est clair et net. Mais si on fait plus rien, ça va revenir en arrière. Non. Ça ne reviendra pas en arrière. D'accord. Cherchons un nouvel équilibre. Mm-hmm. Faisons avec ce qu'on a aujourd'hui et regardons comment on peut améliorer la situation aujourd'hui. Et on ne reviendra pas en arrière. Mm. Pas possible. On ne va pas boucher le chenal de Longe, on ne va pas boucher le bassin de marée, on ne va pas défaire les bras. Bien dommage, mais ça ne le fera pas. D'accord. Mais est-ce qu'on peut quand même intervenir peut-être de manière plus ponctuelle pour renforcer, comme vous dites, le... L'échelle du temps à venir. Subir ou agir. On subit ou est-ce qu'on agit? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la prise de conscience des années 80-90. Ça m'intéresse. Le port est le seul gestionnaire, la navigation, les bateaux, les machins... Les collectivités, rappelez-vous, les lois de décentralisation, c'est 1980, non, 82-83. Les collectivités se mettent en place, et puis elles ont commencé à la fin des années 80 à se dire, attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ouais. Excusez-moi, juste une question par rapport à ça, parce que je suis né personnellement en 86. Est-ce que ça veut dire qu'avant, les collectivités type Nantes n'avaient aucune... rien, nada. Pas agir nada. Du tout, c'était du ressort de l'État. Nada. Et de Paris, d'intervenir sur des grands aménagements nada. Et des gestions de territoires comme nada. Ça. Comme ça s'appelait le port autonome. C'est du domaine public d'État. Le territoire était nommé par l'État. Le conseil d'administration, il n'y avait pas un représentant des collectivités. Il n'y avait rien. Okay. Nada. Vraiment, hein. Ah ouais, bah je rigole pas. Hein. Ah non, mais c'est important, hein. Et donc, après les lois de fer, les lois de décentralisation, bah, les collectivités, bah, ça s'installe, puis elles commencent à... Attends, zut, à 89, il faut déplacer la prise d'eau de Nantes, là. C'est un bon moment, hein. Et puis on s'aperçoit que Nantes, c'est pas... Les quais qui étaient construits pour avoir un marnage de 2,50 m, 3 m, quand ils seraient avec un marnage de 6 m, on est en dessous du seuil de la construction. De la fondation, hein. Ça marche pas. Il faut réhabiliter, il faut sécuriser les quais et tout ça. Donc, ils commencent à se poser des questions. Elles acquièrent leurs nouvelles compétences, elles, puisqu'on leur donne des pouvoirs, hein, alors qu'elles n'en avaient pas, les communes. Et elles disent, attends, qu'est-ce qui se passe là? On est obligé de gérer ça. Voilà, donc, commencent à se poser des questions. Il y a aussi un comité scientifique qui crée, il y a les associations environnementales qui se posent à des questions aussi. Elles prennent plus d'ampleur dans ces années-là. D'abord naturalistes, puis après elles vont un petit peu plus loin sur, sur l'environnement en général. Et puis il y a l'association communautaire de l'estuaire de la Loire, qui est née en 85. Et qui, au début des années 90... Alors, je vais faire une aparté, mais c'est important, parce que c'était de la gouvernance. L'ASSE, c'était l'association communautaire de l'estuaire de la Loire, regroupait le président de la région, le président du conseil général, le maire de Nantes, le maire de Saint-Nazaire, le directeur du port, les présidents des chambres de commerce. Ok. Il n'y avait pas l'État. Non. Ok. Et là, ça marchait bien, il y a eu des gens très dynamiques, etc. Et ça permettait de faire rencontrer la région qui était de droite, l'autre qui était de gauche, l'autre qui était du milieu, l'autre qui était en dessous, l'autre qui était au-dessus. En tout cas, c'est bien la rencontre de ces gens politiques qui commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'estuaire? Qu'est-ce qui se passe dans l'estuaire? On ne peut plus continuer à gérer ça. Tout le monde est obligé de payer et ça ne marchait pas. Et ils ont commencé à dire, on voudrait savoir. On voudrait savoir. Et donc, ils... C'était une vraie guerre civile. Tu peux me décrire ? C'était une vraie guerre civile. Et voilà. Mais avec qui ? Avec le port, par exemple ? Bah oui. Bah oui, parce que le port ne veut pas lâcher, quoi. Il y avait les collectivités avec le port qui se posaient des questions. Moi, je les ai été gentil, mais il y a des associations environnementales qui commençaient à pousser un peu. Et puis, le port avait beaucoup de velléité d'expansion. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Plus du tout. Hein. En tout cas, c'est bien. Ouais. C'est plus du tout la même chose. Alors, il y avait une grosse industrie à Chevilly, il y avait à Couéron, il y avait tout le carnet, il y avait Edonge avec 600 hectares, etc. Donc, ça marchait pas. Et, et c'est là où les associations environnementales ont commencé à prendre vraiment noyau là, sur l'estuaire avec le projet du carnet. Du Bougnet. C'est quoi le Bougnet ? Bougnet, pour la vigne. Il y avait une zone d'inspection portuaire, et là, c'est la première fois où la commune de Bougnet, donc c'était, je ne sais plus comment ça, Autun, et puis Madame Verchère, se montaient contre le port, procès, machin, ils ont gagné. Hein. Ils avaient, là, ils avaient fait un colloque, un truc, un machin. Vraiment une prise de conscience. Bon. Alors, une guerre civile, latente. Et donc, la SEL fait intervenir François Essig, qui était un. C'était la marine marchande, un port, un grand pont, le machin, etc. Et on lui demande de venir voir que, dans l'estuaire de la Loire, qu'est-ce qui se passe. Il dit, écoutez, là, on ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus qui gère pas, en tout cas, ça ne va pas. Et on demande un diagnostic à Delft Hydraulique. C'était une société hollandaise, on voulait quelqu'un d'indépendant, pas un bureau d'études du port. On demande à Delft Hydraulique de dire, mais pourquoi le bouchon vaseux ne s'expulse plus? Pourquoi maintenant il fait 1,5 tonne alors qu'avant il en faisait 800 grammes? Pourquoi est-ce que c'est remonté le sel? Pourquoi c'est remonté la marée? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de courant? Le courant épouvantable dans l'estuaire de la Loire, enfin bon, bref, etc. Et donc on donne un diagnostic à faire et on s'aperçoit que, sans jeter la pierre à personne, c'est l'aménagement de l'estuaire et les aménagements qu'on a fait pendant 2 siècles qui sont le résultat de la situation. Ça. C'est facile maintenant dans mon diaporama. Je mets d'abord les aménagements, puis après je mets les conséquences. Sachez qu'à l'époque, on avait les conséquences, mais on n'avait pas les causes. Le fil conducteur des aménagements. Ouais. Donc, le diagnostic de Delft Hydraulique est important parce que ce sont des modélisateurs et mathématiques, modélisation mathématique. Et pour faire marcher ça, il faut des données. Pour rentrer les données. Ouais. Donc on demande des données au port et le port ne donne pas de données, il ne donne pas de données, c'est un peu compliqué entre le port et la collectivité. Et puis finalement, coup d'intervention, droite de gauche, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données. Personne n'a étudié. Il n'y a pas de données, ou elles sont éparses, ou elles ne sont pas validées sur des longs termes. Et donc on crée à ce moment-là la cellule de mesure et de bilan, le GIP. Et on crée ce GIP-là pour pouvoir acquérir la donnée et pour pouvoir la donner à tout le monde. Et c'est là où je vous dis que quand on a commencé à travailler au GIP, qu'on a fait toutes les données, pour être extrêmement intéressé. intéressé à avoir toutes les données, évidemment. On a fait des modèles mathématiques, on a fait des machins, des trucs. Eh bien, on a mis tout le monde autour d'une table. Ben voilà, maintenant, les conséquences, c'est ça. Peut-être qu'on ne va pas plus loin. En tout cas, les causes, c'est ça aussi. Avec tout le monde autour de la table. Et ça, ça a marché. Et bien. Donc, on a créé cette cellule de mesure de bilan. Ça, c'est toute chose. Et on a recherché des solutions pour la restauration du fleuve et de son estuaire, pour retrouver un nouvel équilibre. Alors, ça, voilà pourquoi c'était important. On a trouvé ces critères déterminants dans l'estuaire de la Loire, le bouchon vaseux, le sel, les niveaux des baseaux, les courants, les milieux, les profondeurs d'eau. Et ici, c'est les fonctions et les usages. Mmh. Avant, on ne regardait que ça. Ouais. D'accord ? Et quand on a regardé, par rapport à ces activités, qu'est-ce qui pouvait impacter la bonne tenue de ces activités, on l'a fait dans des réunions communes avec tout le monde, hein, avec tous, on s'est aperçu que, eh bien, finalement, toutes les activités étaient impactées par le fonctionnement et les critères déterminants de l'estuaire, et surtout le bouchon vaseux. Et donc, tout le monde était intéressé à restaurer. D'accord, et du coup, vous avez... Alors, on est en quelle année, là, on a fait ce travail-là en 2010. Et alors, que j'ai l'impression que là, vous faites apparaître aussi l'acteur qui n'a pas de voix, qui le milieu naturel, de dire, OK, il faut qu'il ait sa place. Oui. C'est ça aussi, comme dire, mais entre-temps, prendre en compte ses besoins à lui aussi. Voilà. Entre-temps, le port avait évolué, et dans le conseil d'administration, on avait mis des collectivités, on avait recommencé à remettre des machins, il y avait un conseil scientifique avec les environnementaux, les machins, tout a évolué en même temps. Donc, effectivement, quand on a fait cela, on avait tout le monde. Okay. Ce qui était intéressant, mais même si c'était de montrer que tout le monde était intéressé par les grands critères déterminants de la Loire et son estuaire, y compris l'urbain, dans les aménités, on appelle ça les aménités. Voilà, donc, pour cette époque-là, on a essayé de trouver des solutions pour remédier à cet état de choses. Donc, le bouchon vaseux, le sel, le machin, etc., etc. On a inventé deux programmes, un programme amont et un programme aval. Un programme amont en amont de Nantes, qui est actuellement en train d'être mis en place. Et on a fait un programme aval sur la restauration de l'estuaire dans un nouvel équilibre. Encore une fois, pas le retour en arrière, qui n'a pas été mis en œuvre. Mais qu'aujourd'hui est repris dans Nantes-Loire-et-Nou. Ok, super. Donc, les solutions qui étaient ça, c'était agir sur le fonctionnement de l'estuaire, freiner l'onde de marée, elle remonte trop vite, trop fort, trop loin. Diminuer les mécanismes de piégeage des vases en agissant sur l'asymétrie de l'onde de marée. Je vous passe les détails. Hein. Donc, ça faisait... Là, vous avez le chenal. Vous voyez que les vasières sont... On va recréer des estrans. D'accord. Vous voyez ça, ok. Ah. Et deux choses. Alors... En arrière, parce que c'est pas de ma faute. On avait deux choses. Il y avait combler les fosses dans le chenal de Nantes. Dans le chenal de Nantes, que je vous ai montré, il y a énormément de fosses et qui sont autant de fosses, des trous comme ça, et qui sont autant de lieux de piégeage des boues, du bouchon vaseux. Donc combler les plus grandes fosses dans le chenal de Nantes, qui ne gênaient absolument pas. La navigation. Ah non, du tout. Mais juste question, comment on met de la matière ? Oui, on met de la matière. Okay. On a comblé les fosses. Et ici, sur le grand truc, c'était de... Ça se superpose. Vous voyez le chenal de Nantes ? Oui, d'accord. Donc c'était comblé les fentes. Donc il y avait une côte au plafond, donc on ne la dépassait pas. Okay. Gérer les apports de sable. Oui, ça n'a pas marché, le truc n'a pas fonctionné. Je voulais vous montrer ici. Ici, c'est recréé. Et c'est dommage, la diapositive est foutue. C'était sur remettre les espaces latéraux au fleuve. Donc, redonner des espaces de liberté de manière à apaiser cette onde de marée qui monte trop fort en lui donnant des surfaces. En la dispersant aussi. Absolument, clair et net. Et donc... en la dispersant, ça voulait dire recréer des vasières, hein, créer des estrans. Ouais. D'accord. Je suis navrée, la diapositive est... Non, mais... Donc agir sur les fonds. Clair. gérer les apports de sable. Et alors, localisation totale des interventions, c'est la création des vasières. Bah, c'était soit sur les îles de la Martinière, au sud, ou soit au nord, sur l'Avaux. Ce programme n'a pas été mis en œuvre. Voilà. Et voilà, vous voyez ? D'accord. Okay. C'est recréer les espaces de liberté. Désendiguer, d'une certaine manière. Quoi. En amont de Nantes, c'est mise en œuvre. Aujourd'hui, c'est fait. C'est la réouverture de bras, c'est le raccourci. Alors, à Nantes, en amont de Nantes, sur la partie fluviale, pour pouvoir gérer une navigation, il fallait aussi créer un chenal. Okay. Mais on n'est pas du tout dans la même configuration géographique. Donc les aménagements qui ont été faits pendant des siècles, ça a été de dire, pour canaliser l'eau, j'installe des épis. Ouais. Et on en voit plein. Ah, mais bien sûr, on en voit des épis. Ici, quand il y a deux bras, je choisis une circulation et l'autre, je mets des chevrettes, de manière à ce que le courant passe. Ouais. Et puis quand il y a des seuils, je supprime les seuils. Allez, hop, ok, très bien. Comme ça, tout, ça passe bien. Mais on n'a pas forcément digué comme on a fait sur la base, c'est pas du tout la même configuration. Non, c'est pas la même stratégie. Okay. Voilà. Donc, sur la l'élevage du fleuve en amont, c'est la rouverture de bras, c'est le raccourcissement des épis, c'est des ouvertures de bras, j'en montre plusieurs, et puis c'est de récréation le seuil de Bellevue. Le seuil de Bellevue a été détruit. Et oui, parce que la connexion avec le bassin de marée. Et donc, aujourd'hui, il y a un programme de réhabilitation du seuil de Bellevue qui est en cours. D'accord. Voilà, ça, c'est le programme amont. Donc là, on empêche l'onde de progresser. On souhaite la bloquer. Et surtout, c'est qu'en amont de Nantes, autant on a abaissé, nous, les marnages, autant en amont de Nantes, on a abaissé la ligne de basse mer, la ligne d'étiage, la ligne d'étiage, c'est la ligne de basse eau. Comme on a creusé, l'eau, elle était là. Quand on creuse, l'eau, elle descend. Donc, c'est pour ça que beaucoup de bras ne sont plus en eau, les boires ne sont plus alimentés. C'est aussi des conséquences écologiques graves. D'accord ? Parce qu'on a abaissé la ligne d'eau d'étiage. Donc, tous ces travaux qui sont faits en amont sont faits pour relever le niveau d'étiage. Très bien. Je voyais juste avant, c'était il y a un mois, on se rendait compte justement de voir des travaux où ils creusaient à la mini-pelle, ça a recreusé, à refaire rentrer l'eau dans des bras morts pour refaire des zones, fraiement pour les brochets, enfin des choses comme et ça. Et puis quoi. On a... Ça vous dit que c'est en cours. Oui, tout à fait, c'est en cours. Et on a interdit depuis 93-94 l'extraction de sable. Ouais, fini. Les sabliers pour le maraîchage et pour les constructions et la reconstruction de Nantes. On a vraiment abaissé le lit du fleuve parce qu'on extrait le sable, parce qu'il fallait faire pour la navigation, etc. Alors aujourd'hui, on essaie de remonter la ligne d'étiage. Les travaux, il y a déjà des travaux qui sont mis en œuvre sur des opérations expérimentales, ça marche bien. Ça marche. Alors, on pose des questions sur l'élévation du niveau de la mer, qu'est-ce qui va se passer ? D'accord ? Ici, c'est les extraits des modifications des paramètres océaniques, et ça c'est dans l'estuaire, ça c'est les modifications du bassin versant, de la mer, du fleuve. Okay. Qu'est-ce qu'il y a comme modification ? Ça, ce sont les chiffres qu'on a eus au niveau mondial et au niveau de Saint-Nazaire. Ça aussi, c'est au niveau mondial et au niveau de Saint-Nazaire. Ça, c'est l'observation. Donc c'est jusqu'à maintenant. On a une accélération de l'élévation. Puisque là, je suis sur un siècle, et là, je suis sur 30 ans. Sur un siècle, j'avais 1,03. Aujourd'hui, à Saint-Nazaire, sur les 30 dernières années, j'ai 1,87 à 2,53. Ça, c'était une moyenne. D'accord. Et ça, c'est plus précis. C'est pareil au niveau mondial. Et le reste, quand le GIEC travaille là-dessus, c'est sur des modélisations. Donc, c'est plus de l'observation. Et là, les observations, ça, c'est celle de 2014. À 1,98 sur Seine et Opertini, maintenant ils en sont à plus de 2 mètres. Et sur Saint-Nazaire, 1 mètre entre 2000 et 2100. Pas rien sur Saint-Nazaire. Néanmoins, s'il n'y a pas d'autres aménagements, si on fait la réhabilitation du fleuve tel que je l'ai dit, c'est avec les espaces latéraux, on pourrait n'avoir une remontée de salinité de bouchons vaseux que de 1 km jusqu'en 2040. Ce qui est câble par rapport. Par rapport à ce qu'on a en 30 km, en 100 ans avec les... Alors les outils, je vais juste montrer les partenaires du GIP, leur estuaire. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, ok ? Parce que que c'est pour la connaissance, mais ça, ça c'est, bon, c'est les indicateurs qui sont les indicateurs, les inventaires, et puis après les modélisations, un réseau de mesure en continu. On a monté un réseau de mesure en continu pour connaître les lots. Et puis des modèles. On a fait des modèles mathématiques. Ici, j'ai mis deux cartes, rien que pour m'amuser. C'est le cumul des mesures excessives réglementaires dans l'estuaire de la Loire. Si on veut habiter le fleuve ou si on veut faire quoi que ce soit, vous n'avez qu'à voir le nombre de mesures, plus c'est foncé, plus il y en a. Alors, par exemple, ici, il y en a entre 7 et 8. Hein, ici aussi. Hmm. Et il y a une autre carte qui est bien aussi, c'est le. Elle est aussi sur Nantes, avec toutes les protections réglementaires. D'accord, c'est juste la carte d'avant, si on peut s'arrêter juste une minute dessus. Nombre de mesures réglementaires. Donc là, on est vraiment sur oui, voilà, des règlements, des lois, ce qu'on peut faire, pas faire. Et du coup, il y a quand même une disparité potentiellement assez forte. Non, je ne sais pas, je m'intéresse à se dire, bah, tiens, est-ce que c'est lié à des zones, à des PLU par exemple, de dire, bon, bah, là, on a une zone. Non, il n'y a pas les PLU là. D'accord. Il n'y a pas. Les PLU, ils peuvent pas faire une réglementation législative d'État ou de département, ils peuvent le faire qu'à la commune. Oui, mais c'est justement mais c'est ça. Il y a le règlement de la commune qui dit français, va jusque-là, il dit bon, alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est des zones sûrement agricoles. Le nombre de mesures réglementaires ou incitatives, j'imagine que ça doit être des. Alors, c'est noté dans ce graphique-là, si, les mesures? Si, si, il y a les zones NDD. Ouais, voilà. Il y a les zones. Voilà. Voilà, et elles y sont. Ok. Elles y sont. Je m'en plais plus. Elle est vieille, cette carte-là, elle a 10 ans. D'accord. L'autre est plus récente. Les mesures environnementales, d'accord. Donc, ouais, on a la Natura 2000, il y a un certain nombre de choses. D'accord. Si classer les sites inscrits, les arrêtés de biotopes, les réserves naturelles, les réserves de chasse, les captures d'humidité, les espaces remarquables. Donc, ça, on est bien dans les postes. Hein. Dans les plus maintenant. Ouais. Après, les ICO, les SNIEF. Les PNR, Ramsar, Natura 2000. Donc le PNR, c'est. Le parc naturel régional. Ouais, ça va être plus la Brière, effectivement. Mon Ramsar, je ne connais pas ZNIEF, là, ça me dit quelque chose. Zone de protection spéciale et zone spéciale de conservation. C'est pas ça qui est Natura 2000 d'ailleurs, non? Non, c'est encore au-dessous. C'est Natura 2000 qui rassemble les EPL, les ZSC. Par exemple, tout le chenal de Nantes est Natura 2000. Mais. Voilà, mais non, c'est pour le savoir. Après, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je ne sais plus ce qu'il y a. Attendez, c'est cassé quoi? Oui. Je pensais avoir une autre. Ok. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. C'est les acteurs qui interviennent aujourd'hui. Je ne savais même pas qu'il y avait cette photo-là. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne vois pas. Un truc un peu en vrac. Oui. Alors, nous allons donc travailler ensemble, c'est ça. La DTA, elle existe toujours, la directive territoriale d'aménagement. Elle existe, il y a une DTA spéciale sur l'estuaire de Loire. Le plan stratégique du grand port de Nantes-Saint-Nazaire, on peut le connaître si on veut dire. Ouais. Le pacte estuaire, c'est le pacte estuaire qu'avait voulu faire l'État. Finalement, boum, ça part. Le programme régional, il s'intéresse beaucoup à l'estuaire. Bon, le parc naturel régional, point d'interrogation, puisqu'ils sont en train de se bouffer le nez avec l'État pour savoir s'il faut faire une réserve naturelle ou un parc naturel régional. Au niveau de la Brière? Au niveau de l'estuaire. Du coup, ça veut dire qu'il y a le projet de créer un PNR. Ou une réserve naturelle d'État. Il se bouffe le nez. Le programme d'action concertée en faveur de la région de l'Île de la Loire, la réserve naturelle nationale, un point d'interrogation, puisque le plan de gestion espace naturel du conseil départemental, le plan Loire Grand Nature, la directive cadre sur l'eau, et le SACH, et madame la gestion des eaux, le SCOT, le projet métropolitain nantais. Ouais. Hein, on travaille ensemble tout ça. Eh bien, ça fait du monde. Alors, guerre de position dans l'estuaire. L'État veut créer une réserve, la région un parc. Attendez, hein, remontez juste une chose que. Je l'ai oublié, hein, il y en a. Ben, c'est ça, je ne vois pas le port, par exemple. Ben, si. Le plan stratégique du grand port de. Ah, donc, ok, le plan stratégique du grand port, c'est, ouais, c'est le port, ok. Ouais. Le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Et là, c'était. J'ai retrouvé cette. Ouais, alors, c'était une. Un medley de. Ouais, de la DTA, du machin, du truc. Enfin, bon, voilà. Alors, ça, c'est la région. Il y avait un programme d'action concerté en faveur de la Loire sur l'estuaire. Le port. Ça, c'est le plan stratégique du port. Ça, c'est Il voulait faire ça, c'est le pacte estuaire. Ça, c'est la DTA. Non, c'est la DTA. Ouais. Ça, c'est le SAGE, la Chambre d'aménagement et de gestion des eaux. Ça, ça doit être la réserve naturelle. Et ça, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Mais juste pour s'amuser, c'était pas si vieux que ça, les gardes de position d'estuaire, les crispations, PNR, programme naturel, parc naturel régional ou réserve naturelle nationale, Natura 2000 entre département et Seine-Région, chasseurs et plans de gestion, conservatoire, conseil départemental, financement du GIP. Le financement du GIP, c'est bon, moi, création de nouvelles structures, par exemple le SILOA, métropole, organisation, gestion des risques, évolution des paramètres et changement climatique. C'est. Voilà, des choses qu'il faut savoir. C'est pas forcément important. Ça aussi, c'est quand on a tendance à se calmer et que les gens se mettent quand même plus facilement autour de la table. D'accord. Sauf qu'on est toujours en train de se bouffer nous entre parcs naturels et réserves naturelles régionales. Quand on met financement GIP, juste le GIP existe toujours aujourd'hui. Le GIP existe toujours, mais il avait des énormes problèmes de financement. Énorme. À la base, il était financé par l'État ? Non. Les collectivités ? C'est un groupe en état public. Donc tout le monde met dans l'escarcelle. La région, le département, Nantes, la Carène, Nantes Métropole, les industriels, l'agence de bassin, l'Europe, tout le monde. Voilà. Et l'État. Mais aujourd'hui, l'État se désengage totalement. Donc il y a des nombreux problèmes de financement. Et c'est 5 ans que ça dure. Donc ça dure. En plus de ça, moi j'ai quitté le GIP en 2018. Non, en 2008. En 2008. Et depuis, ils sont au cinquième directeur, quoi. Ah oui, quand même. En 10 ans. Oui. Mais c'est pas bon quand il y a du turnover comme ça. Non, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. Et ils ont une bonne équipe. Vraiment. Bon, c'est pour s'amuser, hein. Alors, demain, bon, un fleuve. Ah, non fractionné dans son histoire géographique, une seule état des territoires. Amont, aval, eau, rive, affluent. On est tous d'accord. Dans sa gestion et l'introduction d'issue à terme, procès de ration de décision. C'est vieux, hein. C'était avant. Bon, un fleuve connu, reconnu, partagé, suivi, désir de Loire. Espoir. Des siècles d'aménagement pour le fleuve et son estuaire. À peine 40 ans de prise en compte environnementale. Ça faut. Voilà. Les premières années de réelle interrogation du citoyen. De aménager sans avoir, savoir pour aménager. C'est bon, c'est tout. Ah bah, dis donc, merci. Merci beaucoup. Ça va ? Ah ouais, très bien. On en supprime une. Vous voulez la supprimer, oui, c'était la... Je sais plus. Non, elle est idiote, elle n'est pas réfléchie. Pas vu. Regardez là sur le côté. Attendez, je peux peut-être vous... Ouais, vous voyez ou pas ? Mais non, mais c'est parce que je parle plus de patch. Allez-y. Hop, alors. Oui, c'est vrai qu'il n'apparaît pas. Pourquoi il apparaît pas ? Non, c'est pour ça que je vous dis que c'était pas... Ouais, c'est pas... Alors, il n'en apparaît pas, mais je sais qu'il est là. C'est après. Super, ouais, j'ai un... C'est peut-être celle-là. Je suis pas sûr. Alors, ou c'est celle-là. C'est celle-là. Persistante de dégradation. Ouais. Non, c'était pas celle-là. Si. Si, c'est celle-là. Vous êtes sûr que c'était pas. Oui, c'est celle-là. Regarde, moi ça me. Non, c'est celle-là, je suis sûr. Ok, d'accord, très bien. C'est pas ça plutôt. Non. Non. Bon, bah tant pis alors. Hop, je remonte. Mais parce que là, c'était pas complètement. Une persistance des dégradations, perte significative de milieu naturel. Ou alors vous retirez, c'est ça. Alors, vous dites c'est la. Augmentation du milieu naturel. Attendez. C'est drôle, hein ? Bah ouais, je. Ah ! Il est parti. Il est revenu. Ok, donc là, vous dites. Augmentation du maraîchage de la Val de Nantes. Là, je suis pas sûr de ça maintenant. Ok. Voilà. C'est bon ? Voilà. Ça vous va ? Est-ce que perte significative des milieux naturels vasières ? Oui. Poursuite de remontée du ciel, bouchon vaseux vers la Manche, vous avez dit que aussi. Pas de retour en arrière, élévation du niveau de la mer. Oui. On voit ça. On... Ok, c'est bon. Très bien. Vous enregistrez ? Ouais, c'est parfait. Et vous supprimez les deux autres ? Je fais. Ça, c'est lequel ? C'était lequel qui avait fonctionné ? Bah, c'était l'ODT, comme en fait, il fallait bien ouvrir avec. L'ODP, pardon. Oui. Il fallait bien ouvrir avec. Ouais, toi, va-t'en. Aussi. Attends. Voilà. Ok. C'est bon. Et voilà, c'était ça. Ouais. Et ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Effectivement, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie d'avoir comme position, c'est de se projeter dans l'avenir et d'apporter des solutions concrètes, de pas subir, effectivement, de pas non plus rêver un monde passé, mais de voir comment demain on arrive à faire avancer ces questions-là. on travaille pas mal sur la notion de commun, de bien commun, c'est-à-dire que pour nous, en fait, à un moment donné, il faut être capable, effectivement, de prendre soin de ces espaces-là, et pour ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour connecter les citoyens aussi au milieu. Ça s'inscrit, après, en plus, réhabiter le fait, pour nous, c'est assez large, hein, Enfin, là, on parlait du rapport de la WWF, entre guillemets, là, qui est paru ce matin et qui fait effectivement des états sur la biodiversité qui sont très inquiétants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, mais évidemment, demain, réhabiter le fleuve, mais réhabiter le monde. Demain, comment on vit avec notre environnement? Comment on n'impose pas des choses, mais on rend les choses peut-être plus compréhensibles? Et dans nos axes de travaux, on s'intéresse un peu à faire des exercices d'utopie et de dystopie, c'est-à-dire pourquoi pas essayer de donner une image du monde à un moment donné, regarder un peu quel monde pourrait être idyllique, quel monde pourrait être cauchemardesque si on continuait sur notre voie, et de dire ça, c'est des utopies et des dystopies, donc ça n'existe pas, on ne va pas dire que ça existe maintenant. Qu'est-ce qu'on fait si on fait juste cet effort-là d'imagination? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement? On a beaucoup appris à Montréal, on a beaucoup rencontré, ça nous a permis de nous mettre en situation d'étrangeté sur un territoire, sachant que le territoire de Nantes, pour pas mal d'entre nous, on y vit depuis longtemps, moi ça fait 15 ans que j'y suis, pour autant je ne connais pas bien la Loire, et là le voyage en tout cas à Montréal a permis de nous mettre en situation d'étranger, et donc d'avoir une approche du territoire assez différente, qui je pense nous aide à retrouver ce regard-là en venant à Nantes, même si c'est une ville qu'on croit connaître, oui. Moi qui ai encore, voilà. Donc voilà, donc après tout va, on a 3 semaines de travail qui va être recherche, on a fait beaucoup de recherches à Montréal, là je pense qu'on va faire un peu plus de production à Nantes parce qu'on a quand même l'objectif de faire une exposition et une publication et d'essayer de pas être pessimiste non plus, hein. Il faut arriver à dire voilà c'est comme ça, maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement pour est-ce qu'on peut trouver des solutions dans notre rapport au fleuve pour notre vie, quoi, en fait, tout simplement, pour le vivant. On parlait d'espace de liberté du fleuve, espace de liberté, oui. Pour le vivant de manière générale aussi, comment on peut mettre ça en place dans nos villes, dans notre vie, en fait, tout simplement. Ouais, mais vous avez employé un truc, mais vraiment, c'est un bien commun. Un bien commun. Tant que les gens n'auront pas compris que leur territoire, c'est un bien commun, qui n'appartient pas forcément à monsieur machin, ou à monsieur le maire, ou à monsieur machin. Là, quand je vois, et je repasse ça, l'estuaire, quand je pense comment c'était bloqué, on n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit sur l'estuaire, c'était complètement bloqué. C'est passé dans les mains des collectivités, puis après un petit peu, voilà. Et puis maintenant, on redemande aux citoyens. Et quand le citoyen, il n'a pas encore compris que où il vivait, c'est un bien commun, ouais. Il n'a pas à se faire imposer quoi que ce soit par quiconque. On discute, on fait des médiations. Mais tant qu'il n'a pas compris dans sa tête que c'est un bien commun, que c'est à lui aussi bien qu'aux autres, pour le bien gérer, quoi. Mais un bien commun. Et l'estuaire n'a pas été un bien commun. C'était de la privatisation et maintenant on est au partage. Et aujourd'hui, ça a vraiment changé. Vraiment. Et il faut voir véritablement. Oui, bien sûr. Je pense que c'est des dynamiques qui sont en cours. Là, on a vu à Montréal, alors qui n'est pas un estuaire, c'est un fleuve. On est un peu trop en amont. Pourtant, il y a les problématiques pareilles. Hein, on a beaucoup appris sur la gestion de l'eau là-bas. Pas résumer ça, mais c'était hyper intéressant. Là, je fais dans un autre cadre avec le collectif MIT. On était à Hambourg encore cet été et on a travaillé sur la thématique de l'eau. On voit comment aussi le port a beaucoup trop de pouvoir en fait. Et un acteur qui c'est lui qui décide beaucoup, beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression qu'aussi l'avenir est à ce partage et plus grand partage. Et on l'espère. Et maintenant, voilà, nous, ce qu'on soutient, c'est que du coup, le bien commun, enfin, après, c'est pas quelque chose qui se décrète. On peut pas dire commun, c'est quelque chose qui. Non, ça se travaille. Ça se travaille, et puis ça n'existe, le bien commun n'existe qu'à partir du moment où les gens le font exister. C'est-à-dire que des personnes. Le font exister en disant bah, ça, on va en prendre soin. Hein, ce fleuve. Pour prendre l'exemple, on va en prendre soin. Et donc, pour qu'il existe dans l'imaginaire commun, voir aussi les gens se disent, y a de l'eau, et en fait, j'ai plaisir à y être, j'ai plaisir à... Et je me sens concerné. On travaille un peu sur cette chose-là aussi. Oui, je me sens concerné. Parce que si les gens ne se sentent pas concernés, en fait... C'est comment faire admettre aux citoyens que c'est un bien commun, qu'il est concerné. Ouais. Ça lui appartient aussi dans la tête, dans les projets, dans la représentation qu'il peut avoir. Quoi. Ouais. Bien sûr, non, mais c'est un bien commun. Mm. Et tant qu'on n'a pas décrété que ce territoire, un territoire est un bien commun. Non, mais c'est vraiment intéressant. Pas décrété, c'est pas. Pas lié aussi d'arrêter de segmenter le fleuve. Donc là, nous, on a rencontré une docteure en droit, spécialiste du droit de l'environnement et de droit comparé à Montréal. Et qui, elle, a été pour faire inscrire, elle faisait une proposition, là, elle voudrait faire inscrire le fleuve Saint-Laurent en tant que personne morale. de pouvoir être à même de pouvoir le défendre, en fait. Ouais. Et bon, on sent bien qu'il y a des enjeux là-dessus, quoi. Cette segmentation, en tout cas, ça, c'est ce qui le tue, et de dire aujourd'hui comment on fait les choses en l'air. Là, je pense qu'en l'histoire de la loi, il y a eu des progrès de fait sur cette segmentation. Mmh. Ça, franchement. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore réussi à avoir une gouvernance. Hein. Oui, c'est ça, parce que là, on voit le nombre d'acteurs. Moi, sauf que aujourd'hui, le port partage, puisque dans le comité de surveillance du port, il y a les collectivités, il y a les associations environnementales, etc., etc. Ça a vraiment bien changé déjà. Ça a vraiment bien changé. Hein. Mmh. Oui, très, très la connaissance, elle est commune. Hein. Maintenant, oui. Pour les gens qui veulent. Il faut aller un peu plus loin. Et par rapport à vos préconisations, par exemple, à l'échelle de Nantes, on voit que la métropole travaille sur les aménagements de Loire. Sur les franchissements. Alors, sur les franchissements, mais aussi sur, on voit là, il y a le quai François Mitterrand qui a été refait. Oui. Donc, il y a ces efforts-là de fait. Je reviens juste sur ce que vous présentiez sur vos préconisations de transformation en aval, en amont pour atténuer l'onde. Oui, ça, oui, mais c'était pas Nantes Métropole, ça. Non, justement. Oui, justement. Mais Nantes Métropole l'a repris dans un des engagements, c'est de remonter le programme aval. De faire le programme. Ouais. De le remettre en actualité. D'accord. Le programme aval, il existait. Il a été. Mis de côté. Oui. Non mais aujourd'hui, mis de côté. Moi, j'ai une interprétation par rapport à ça, une explication. Ok. Ouais. Mais elle m'est totalement personnelle. D'accord. Ok. Ok. Elle n'est pas celle que donnera les élus. Et l'autre jour, quand j'ai rencontré, non, c'est pas. Je pense que la personne qui m'a remplacée à la direction du GIP. Moi, quand je suis partie, il y avait le financement des actions environnementales, des actions expérimentales sur les vasières. Ouais. Il y avait vraiment. Et il n'a pas suivi. D'accord, mais pour des raisons peut-être politiques ou. Personnelles. Ça, je pense. C'est pas politique. La politique, ils étaient pas complètement. C'était totalement partant. Et qui c'est qui finançait ça? Parce que c'est des travaux. C'était financé, tout le monde finançait. L'Europe finançait. On avait le FEDER à l'époque. Quand je suis parti, il y avait le financement. D'accord. De la même manière, vous savez, moi j'ai appris ça dans l'aménagement et tout le métier que j'ai fait pendant pas mal d'années. Un bon projet, on arrive toujours à le financer. Toujours. Et quand moi je me suis intéressé à l'histoire de la Loire, avant j'avais fait pas mal, j'ai travaillé à la SEL, je suis communautaire aussi. Bon, bref. Je dis, on a marre, on ne regarde encore que le fil de l'eau, il y a les marais, On commençait à travailler un peu sur les marais, on commençait à sensibiliser sur les marais, on commençait à réagir sur les marais, et j'ai monté un programme. Des millions. Je l'ai eu. Ouais. Je l'ai eu. Cool. Et on a travaillé sur les marais. Ouais. Et on a travaillé sur tout le réseau hydrographique que je vous ai montré là, hein, qui toutes les petites écluses, les machins, les grosses écluses, tout ça, ça ne marchait plus. Un diagnostic, puis après on a fait du feu pour le rénover. Il y avait 15 syndicats de marais, on n'en a plus fait que 3. Enfin bon. Un bon projet, ça marche toujours. Voilà. Et donc le programme aval a été. Il n'y avait pas les financements, ça coûtait trop cher, machin. Mm. Là, comme je suis impuissante. Je suis impuissante à avoir les vraies explications. Okay. Les politiques vont dire que c'est parce que ça coûtait trop cher. Moi, je pense que c'est un dossier qui n'a pas été suivi avec énergie. C'est pas une critique. le GIP portait ça, mais mon conseil d'administration du GIP, j'avais le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du port, le préfet, Jean-Marc Hérault, le maire de Saint-Nazaire, le président de la chambre de commerce, en propre. Ok. Donc, quand ils décidaient quelque chose, machin, ça marchait. Ouais. Ok. Ouais. Aujourd'hui, ils ont les quatrièmes couteaux. Ouais. Le suppléant du vice-président, de je sais pas quoi. Ils ont les quatrièmes couteaux. Donc, il n'y a pas de décision qui sont prises. Sinon, il faut remonter, ouais. Et puis les autres n'ont plus l'information, ils n'ont plus rien. Ouais. Et ça, c'est... Mais là, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Ils viennent de nommer un nouveau directeur du GIP il y a 15 jours, 3 semaines. D'accord. Mais du coup, le fait que la pression de la métropole, de dire, bon, nous, on va faire remonter le programme Loire-Aval. Oui. On attend de voir un peu. Je crains, j'ai peur. Ouais. C'est-à-dire que là, on était arrivé à une prise de conscience politique extrêmement importante, qu'il fallait vraiment faire quelque chose sur les sœurs de la loi, sur les espaces de liberté, sur, vraiment, c'était sur les comblements des fosses, machin. C'est vrai que c'était un programme qui était cher. Faire des expérimentations, et puis après on voit, puis on continue. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas cette volonté politique, on reprend le programme Aval, on l'inscrit, mais j'ai l'impression qu'on va tomber sur des petites restaurations, quoi. Je vais restaurer l'étier de machin, je sais pas. Non, j'ai des conneries, là, j'ai des bugs. D'accord, à voir. Mais il faut le suivre. Je sais pas. Je ne sais pas. Et là, il vient de nommer un nouveau directeur du GIP. C'est à lui d'avoir le courage d'aller interpeller à qui faut. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, est-ce qu'il l'aura? J'en sais rien. Moi, je l'avais. Il faut de l'engagement, hein, c'est sûr. Ouais, il faut de l'engagement, il faut de la motivation. Bah oui, ouais. Mais là, il y a le programme Aval, il est noté dans les 30 engagements. Ah, papa. Ça a cours sur combien de temps, ce programme? Voilà, de mettre à l'étude un programme Aval. Un programme Aval, et non pas le programme Aval. Un programme Aval. D'accord. Mettre à l'étude, mais il a déjà... Parce que ce que vous aviez fait des préconisations ou vous aviez déjà un petit peu cerné? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait quand même... On avait été loin. Attends. Ouais, voilà, c'est non, ça. C'était monétisé, c'était budgétisé. On avait fait les réunions avec les agriculteurs. On avait... Oh là là! Non, ça allait loin. Ça allait très loin. Parce qu'il est toujours... Est-ce que on pourrait le consulter, ce programme Aval, nous? Vous l'avez ou vous demandez au GIP ou... Alors, du coup, je le demande à vous ou je demande au nouveau directeur du GIP? Ah non, vous ne demandez pas au directeur du GIP. Il connaît, à mon avis, il ne sait pas encore ce que c'est que le programme Aval. Je vais vous donner une référence. Alors, c'est donc, comme vous disiez, le programme Amon, lui, il est en cours. Ça marche bien. Bref. Alors. J'ai pas votre numéro de téléphone. Le mien? Non, le sien. Le bot Christelle. Alors, Christelle, KRISTE2L. Et puis, le bot. KRISTE2L. D'accord. Et le bot. L-E-B-O-T. Alors, Christelle Lebot. Alors, le mail @loire-estuaire.org. Mais vous avez internet là? Oui. Vous avez encore 10 minutes. J'ai pas son numéro de téléphone, c'est étonnant. Ah si, je vais. Donc, cette... Elle travaille au GIP. Personne travaille au GIP, vous connaît, je peux me présenter... D'accord, ok, très bien. Et merci beaucoup. Ah bah oui, équipe GIP, Laura Stuart, Christelle Lebot. On a fait ça le programme aval, mais bon, je sais pas. Bon, je parie au pied des dents, on verrait bien. Ça, c'est le récit. Hein? On monte l'équipe, quoi. Programme. Alors. Connaissance. Suite du contrôle OA, ses annexes. Relance d'une réflexion sur l'aval à la demande de notre métropole, de la Carène, du Grand Port Maritime, Nantes-Saint-Nazaire et de VNF. Ouais. Et donc ça, est-ce qu'il y a... pour les enjeux de 2017-2021. Oui. Ben c'est écrit. Oui. Oui, c'est dans leur projet stratégique. C'est une personne, oui, qu'on peut... Christelle. Qu'on peut rencontrer... Elle va prendre 3 parapluies, elle va dire je peux pas à cause du directeur, du machin, tout ça, c'est à vous d'être convaincant. Hein. D'accord, ok, si on veut la rencontrer. Et puis après, oui, concernant le programme aval, il faudra... La programme aval, elle connaît pas, elle fait beaucoup sur le... Elle fait beaucoup sur les indicateurs, sur les connaissances, surtout la qualité de l'eau. Eh ben, interrogez-la sur la qualité de l'eau, puis après vous débrouillerez sur le travail aval. Mmh. Faites-la sur la qualité de l'eau. Débutez avec elle là-dessus. Vous l'avez. Alors ça c'est le numéro professionnel et puis ça c'est son numéro perso. Ok. Attendez, 93 68, ok. Oui, sur la qualité de l'eau, elle a montré un... Il y a eu il y a 15 jours, 3 semaines, les 20 ans d'existence du GIP. Donc ils avaient fait toute une demi-journée politique et puis ensuite scientifique. Et elle avait fait un petit diaporama sur la qualité de l'eau, c'est bien. Donc c'est parti votre truc là. Allez, remontez en haut à droite. Hop. Oh, c'est compliqué. Ok, et eh ben... Je la vois. Voilà. Vous l'avez quand même des choses. Ouais, ouais, il y a de quoi. Voilà, opération expérimentale, la création de la base. On avait été jusque là, la création. Ouais, on avait... Oh, ça m'énerve votre truc là. Ah bah là, c'est pas moi là. Ah mais si. Ah bah, si, non, là... Ah bah c'est jamais moi. Non mais là, c'est le site. Non, c'était pas là. Restauration. Ah ouais, c'est chiant ces trucs là. Restauration des milieux. C'est du dessous, non? Non, c'est pas ça. Ah ouais, c'est ça, vas-y, allez à droite. Ouais, voilà, bien joué. Ah, donc, voilà, c'était vraiment, c'était, ça a été jusque-là. Hein. Donc, tel que défini en 2011. Ça a été jusque... Voilà. C'est ça qu'on voit, donc, au cas, ça rentre. Je suis même pensé dans les restaurants. Hein. Donc, une pente douce, quoi. Remettre une pente douce sur... Sur les vasières, ouais, parce que c'était remblayé. Ouais. Bon, là vous aurez ça et vous aurez aussi le truc sur le programme amont. Il y a tout. Il y aura tout. Je note loresterre.org. Et alors là. Septembre 2018. Ouais, c'est ça, c'est les 20 ans d'estuaire, les 20 ans du GIP. Mmh. Et là, vous devez avoir. Il devrait y avoir les. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement. Ah, super. Ouais, suivi, ça va être ça. Christelle voilà. Lebotte. Suivi. C'est intéressant. Ok, ben laissez la page ouverte. Je vais regarder ça. Je vais le partager avec mes collègues. Et demandez-lui de venir vous l'expliquer, la qualité de l'eau. Tout à fait, ouais. On la fera venir. On a... Bah, c'est vrai que le temps est court et que nous, on préfère... Enfin, c'est beaucoup plus efficace de rencontrer des experts que de nous faire de la recherche nous-mêmes parce qu'on fait le travail. Ah, super, merci. C'est très vieux. C'est très, très, très vieux. C'est un des premiers petits documents qu'on avait fait pour montrer la... donner la connaissance de l'estuaire à un très, très large public. Ouais. Et ce large public... Nous ne faisions pas appel à des agences de communication. Jamais. C'est les gens qui étaient responsables des programmes qui faisaient leur communication. Donc ouais. Nous, on était responsables de la communication. Et on le faisait nous-mêmes. Et donc, quand on avait reçu les agences de communication, la première question, c'est pour le grand public, c'est pour les étudiants, c'est pour les élus. J'ai dit non, c'est pour tout le monde. Et c'est pour les scientifiques, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et le plus beau compliment... indicateurs, parce qu'on a fait des fiches indicateurs pour suivre sur très long terme et non pas selon les lois ou les normes qui changent tous les 4 ans sur très long terme pour suivre tous les paramètres estuariens. Donc on a mis longtemps à mettre ces grilles d'indicateurs en route mais on l'a fait et on sort des fiches indicateurs sur la qualité de l'eau, sur les nutriments, sur le sel, sur la papape, sur les oiseaux, ce que vous voulez, le poisson, etc. Et c'est quand l'Ifremer il dit Martine, pas mal. Ah, plus que pas mal, on voudrait bien faire pareil. Ouais. Super. Et ça, on avait fait ce petit truc document, donc on s'est retrouvé la rencontre facile. Si la voie océanette est une limite, ben, sinon il n'y a pas une limite pour les oiseaux et pour les poissons. On va prendre notre métropole. Voilà. Donc c'était un privilège pour les aménités, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'était une histoire, on va reprendre tout ce qu'on a fait. C'est exactement. Bien, ouais. Après, il y a des petits trucs sur les marais, et si on parle d'avenir, etc. Si la gloire était une philosophie, bah, j'adore ce petit document. Je vous le donne. Quand notre président, on avait fait, voilà, comme ça, et quand je me souviens, j'avais été un peu culottée à l'époque, j'étais directrice du CIP, mais... Ouais. J'ai quand même un président qui était le président du conseil général, c'était Patrick Maréchal. Et on avait déjà un peu bâti ça avec la maquette, avec le graphiste et puis la personne qui nous avait rédigé. Mais c'était pas une agence de com, nous on travaillait ensemble. Comme ça. Et puis c'était presque fini comme ça. Puis je dis, voilà, monsieur le président, je vais vous montrer quelque chose. On a fait une petite maquette, là, pour savoir si. Il dit, vous vous démerdez, hein. J'en veux 30 000 exemplaires pour donner dans tous les collèges. Parce que les départements, ouais, ils sont ça. Bah oui, c'est super. Et vraiment, je pense que... Ouais, ça a l'air d'être super. Hein. Ouais, c'est super. Ça vaut le coup. Trop bien. Mais demandez à Christelle s'il y en a. C'est sûr, c'est sûr que j'ai chez moi, ça. Et alors, ils viennent de sortir, là, pour les 20... Alors, demandez-lui ça. Ben non, mais l'essentiel sur la loi. Ah bah ouais, top. Donc ça, c'est sorti il y a au mois de septembre. Là. Ah non, parfait. Hein? Donc, ils l'ont fait à 3 niveaux de connaissance. Si on veut regarder que les photos, pour qu'on comprenne. Hein. Après, il y a... C'est bien fait. C'est un peu... Il faut s'accrocher quand même pour le lire. Mais ça a l'air d'être... Il y a tout. Il y a tout. Voilà. Dites-lui que vous m'avez rencontré, que je vous ai fait montrer un vieux diaporama. Pour aller de la Loire-Océane. Voilà. Et puis surtout d'avoir l'essentiel sur la loi. Ouais, bien sûr. Ouais. Demandez-la à la rencontrer, ça peut être comme ça. Ah oui, bah, mais c'est. J'ai tout. Là, j'ai son mail, c'est de l'inventaire. Et en plus, c'est elle qui travaille sur la qualité des eaux. Voilà. Bah, ça, c'est intéressant. On a rencontré, donc à Montréal, nous avons rencontré donc une docteure en droit. Nous avons rencontré un spécialiste des communs. Nous avons rencontré une limnologiste à la retraite qui a travaillé 30 ans sur à étudier la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent et les prélèvements, enfin tout ça, c'est une question aussi de l'eau qu'on boit, hein, comme vous disiez, on en parlait tout à l'heure. On boit l'eau de la Loire, comme les Montréalais boivent l'eau du Saint-Laurent. Ben voilà. On a rencontré un climatologue. Waouh. Ouais. Ouais. Très intéressant. Et aussi, ils commencent à réfléchir sur l'élévation du niveau de la mer. Bah, le climatologue, lui, oui, oui. Et puis c'est bien de, comme on disait, de se retrouver. C'est pas un documentaire, hein. C'est pas une conférence. Et on est avec lui dans la même pièce. On parle pendant 2 heures. Et on garde le moral. Et c'était... alors, c'est là où on prend du recul. Nous, on est là sur réhabiter le fleuve. On parle de Nantes-Montréal. Mais à un moment donné, bah, on prend vachement de recul sur la planète. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va changer au Canada, notamment, dans les 40 prochaines années? Ça va être... pour eux, oui. Ah oui, oui, ça va... C'est là où c'est le plus étudié aussi. Hein. Bah oui, puis c'est là où ça va... Quand on parle de moyenne d'augmentation de la température sur la planète, c'est une moyenne. Donc les endroits où ça va changer le plus, c'est certains pays. Et là, eux, ça va aller. Enfin, c'était un peu déprimant, mais on y croit quand même. On se bat. On essaye d'avoir un rapport positif à l'avenir, de dire bah voilà, qu'est-ce qu'on ne subit pas, on agit. Bon, et on fait avec ce qu'il y a. Et ben voilà. Mais donc c'était quand même très très intéressant de reprendre donc le rapport à l'eau, les transformations. Bon là, on parle plus aussi des bassins versants avec le climatologue, hein, c'est-à-dire que les apports vont être différents. Absolument. Là aussi. Alors, ce qu'on voit sur son temps, c'est qu'on a les mêmes débits. Ça n'a pas changé. C'est vraiment une question qu'on s'était posée, ça. On a étudié le débit depuis 100 ans, ça n'a pas changé pour l'instant. Par contre, ce qui va changer, c'est les événements extrêmes. Ah, tout à fait. Ce qui n'est pas pareil. Ce qui n'est pas pareil, oui. Mais sur les moyennes, ça va être la même chose. C'est ça. Et notamment, c'est là où on revient sur les espaces, les fameux espaces de liberté dont on parlait au début, parce que ça, c'est donc quelque chose qui est apparu dans les discussions à Montréal, dans nos rencontres, où à un moment donné, voilà, le fleuve va avoir besoin de plus d'espaces de liberté, parce qu'il va être soumis à des événements extrêmes plus importants et plus fréquents. Et donc, à un moment donné, si on ne veut pas qu'il y ait des morts, il faut qu'on puisse les gérer, en fait. Il y a de l'eau en plus, et ce sera un phénomène naturel, déréglé peut-être, mais naturel quand même, climatique, et donc il faudra bien l'accepter. Il faudra bien que les structures du territoire soient à même d'absorber ces choses-là, quoi. Non, c'était... On a rencontré aussi donc les responsables du projet Ecomaris. C'est un voilier école sur le Saint-Laurent. Donc eux, ils font beaucoup de sensibilisation à l'environnement et ils essayent de connecter les Montréalais à leur fleuve. C'est-à-dire, c'est le seul voilier qu'on a vu à Montréal, quoi. C'était vraiment le... Bon. Donc ils ont une super démarche, enfin, en tout cas très intéressante. Nous avons rencontré une mystérienne, puisque nous avons... acheter ce livre. On est tombé sur ce livre et on a dit c'est notre sujet d'étude. Donc et on a invité Michèle Dagenet qui elle nous a présenté l'évolution de historique. Et donc ça reprend un peu ce que faisait avec la Loire Océane, c'est-à-dire que nous en tant qu'architectes, on est une profession qui est à la croisée des chemins, je pense. Et on essaie d'avoir des approches transversales et c'est bien là de rencontrer donc tout un tas de d'acteurs du fleuve, quel qu'il soit, pour essayer de formuler des réponses adaptées. Mais après, très modestement, hein, nous, très très modestement, et puis on va voir, hein, les conditions de notre rendu ne sont pas encore... vous avez terminé, vous, dans peu de temps, parce que ça va très vite. Hein. Alors, voilà, comme je disais, officiellement, la partie nantaise reprend le 5 novembre, donc lundi prochain, et se termine le... 23, 24 novembre. Donc on a 20 jours. Ouais. Et là, va falloir travailler dur. On ne va pas pouvoir... On n'a pas ambition de faire le travail du GIP. Ah ben non, ça n'a rien à voir. Bah, bien sûr, voilà. C'est là où nous... Vous prenez des éléments et puis vous les remettez dans la perspective de votre étude. Voilà, voilà, que je vais expliquer un peu le rapport à l'utopie, la dystopie. Enfin, c'est juste que l'architecte, c'est aussi quelqu'un qui écrit des histoires. Et donc, voilà. Et donc, on va peut-être s'atteler à ça. On n'a pas prétention de pouvoir parler de tout, mais essayer de faire en tout cas un travail. Pour nous, c'est très important d'avoir un travail qui soit ouvert à tous. Oui. On ne parle pas aux architectes. On veut parler au grand public. Oui. Non, mais c'est parce que... Moi, j'ai appris quelque chose. C'est que quand on parle au grand public, on parle à l'élu, on parle à l'étudiant, on parle au machin, on parle au scientifique, on peut avoir le même langage. C'est pas parce qu'on va parler qu'on doit être idiot ou trop abscon. On peut trouver le langage commun. Le territoire est un bien commun, mais le langage, il est aussi commun. Il n'y a pas besoin de encore en plus séparer Je vais dire ça à tous les gars. Je vais dire ça. Non, c'est pas vrai ça. Non, mais c'est pas ça. Vrai, ça existe. Ça s'adresse à tout le monde, comme vous dites tout à l'heure, comme sur votre livret. On s'adresse à tout le monde. Et donc voilà, bon, donc je ne rentre pas plus dans les détails. On travaille sur des notions, développer un axe de travail qui parle de l'écotone notamment, qui est le milieu de la tension, qui est le milieu de la rive, de la rencontre entre les milieux. Donc, voir, mais bon, ça rejoint un peu les idées de corridor écologique, d'espace de liberté, de dire comment on peut générer ce genre de choses. On a été pas mal frappés à Montréal sur leur rapport aussi au Saint-Laurent, dans l'histoire récente de Montréal, ils ont vraiment créé des berges, créé des îles. Donc ils ont modifié fortement le territoire. Je pense que là, on a vu ensemble que c'est arrivé à Nantes, mais ça fait partie de l'histoire passée. Et je sais pas. Et c'était pour une monoactivité. Mais nous, on avait été, quand on voyait la rive à Montréal, on était un peu choqués parce qu'effectivement, aujourd'hui, avoir des impacts aussi forts sur le fleuve nous paraissait au début un peu de dire on va recréer des îles, on va recréer des berges, on va modifier vraiment de manière un peu lourde. Sauf qu'en fait, à un moment, comme on dit, agir ou subir. Et quand on parle de... Enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut remettre les mains dedans. On ne peut pas retrouver l'état d'avant, mais Un nouveau fonctionnement. Pour faire un nouveau fonctionnement. On travaille aussi sur la notion de machine vivante. Je ne suis pas spécialement dans ce groupe de travail, donc j'aurai un peu plus de mal à en parler, Ouais, voilà, je peux pas trop en parler en fait. Je sais pas trop ce qu'ils font dans ce groupe-là. Mais machines vivantes, ça va être un peu le bateau. Enfin, trouver des moyens aussi, peut-être des médiums pour connecter les gens au fleuve. Et puis un dernier aspect, c'était plus justement la question de la trace, c'est-à-dire de s'inscrire dans une histoire, de savoir ce qui s'est fait avant, de se reconnecter aussi avec. Avec le pourquoi c'est comme ça aujourd'hui et que, comment ça peut être demain, et puis c'est quoi les activités, parce que c'est aussi pas négliger l'aspect historique. C'est drôle, parce que dans le débat noir, là, énormément d'interventions du citoyen, c'était sur le fait de retrouver un usage festif sur les bords de Loire. Donc une grande fête qui va être faite, des bords de Loire, en 2019, et puis les gaguettes, les machins, tout ça, de retrouver un usage festif. Une appropriation, une connexion. Oui, mais ça passe par la fête. Ce qui crée du commun aussi, je pense, quelque part, socialement. On aurait posé la question à des 10 ou 15 ans, elle n'aurait pas été comme ça, la réponse n'aurait pas été là. Mais c'est bien. Non, mais moi, je n'ai pas de critique par rapport à ça, alors là, franchement, sûrement pas. Donc vous avez votre truc là en novembre et vous devez rendre votre... L'expo est prévue courant décembre. Quand ? J'ai pas encore la date précise, je peux pas vous dire. Non mais parce qu'on va finir le 20, donc tout ça va être bien soutenu, courant décembre, c'est-à-dire que décembre c'est court, faut imaginer peut-être un vernissage avant Noël, quoi. Moi, je pense que ça va être ça, ou mi-décembre, mais je ne m'avancerai pas avant mi-décembre. Moi, je reviens mi-décembre. Bon, voilà, très bien. Si jamais vous m'envoyez pour voir votre expo. Vous allez bien évidemment être réinvité. Pour voir l'expo, Pour finir notre entretien, j'aurais un petit exercice à vous proposer si vous le souhaitez. Donc, c'est un exercice que nous avons décidé de mettre en place entre nous, entre personnes de résidence, parce qu'on était assez nombreux, et avec en fait les experts que nous rencontrons, dont vous faites partie. C'est-à-dire qu'on a décidé d'interroger les trois notions que sont l'habité, le fleuve et le bien commun. Et de dire, en fait, on s'est enregistré, on a fait des capsules sonores, où on s'enregistre, alors ça peut être très court, ça dure 30 secondes, dire, ok, qu'est-ce que c'est pour moi la notion d'habité ? Qu'est-ce que c'est pour moi la notion du fleuve, de l'eau ? C'est l'eau, le fleuve, Donc c'est pour dire qu'on peut le prendre un peu comme on le souhaite, comme ça nous parle. Et qu'est-ce que c'est la notion de bien commun pour moi ? Et dans notre travail, comme on dit là, on s'est enregistré, on fait beaucoup de travail sonore, de prise de son. Donc on ne sait pas encore exactement à quoi ça va nous servir, mais on avait envie de... on pressentait que ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de montrer que le rapport ou à l'habitat, ou à l'eau, ou au bien commun, il est pluriel, en fonction des personnes, et que c'est ça qui est aussi important à être capable de représenter. Donc, soit on peut le faire maintenant, si vous avez encore 10 minutes, si vous voulez le faire comme ça, soit c'est des choses qu'on peut faire avec juste votre téléphone portable, vous enregistrer, c'est dire, bah voilà, pour moi, habiter, la notion d'habiter, ça veut dire ça. Mais c'est d'habiter le fleuve ou d'habiter autre chose ? D'habiter tout court. C'est habiter l'eau, le fleuve, le bien commun, séparément. Séparément. Non, parce que finalement... Parce que si c'est ensemble, je vous ai déjà tout... Ben voilà, c'est ça. Mais c'est encore une fois, quand on dit réhabiter le fleuve, dire, bon, il faut prendre les mots, les regarder, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils ont comme signification avant de les assembler. C'est important aussi de faire ce travail-là. Oui, mais habiter... si j'avais à répondre à cette question, habiter, je n'y peux rien, mais dans ma tête, ce serait habiter le fleuve. Parce, par rapport à notre résidence, parce qu'on... J'aurais peut-être dû vous proposer ça avant notre entrevue. J'aurais dit habiter le fleuve. Et parce que du coup, pour vous, la notion d'habiter, elle est forcément liée au fleuve ? Non, elle est fortement liée à ma vie de tous les jours. Et votre vie de tous les jours, c'est le fleuve ? Parce que si c'est ça, habiter le fleuve. Il n'y a pas de... Y a, c'est, ben, mais du coup, voilà, si habiter, c'est pour vous, c'est habiter le fleuve, très bien. Non, mais parce que je suis une Ligérienne. Parce que je connais bien le fleuve, parce que c'est là où j'habite. Et vous habitez où ? J'habite en face le fleuve. D'accord. Sur le coteau. Chantenay Non, j'habite à Malville. Ah mais oui, je suis bête, excusez-moi. Entre Nantes et Saint-Nazaire, exactement au milieu. Ouais. Donc je domine les marais et ensuite il y a le fleuve. Bah, oui, je, si et vous donc, voulez... Et donc, si tu habitais... Non mais c'est pas ça, c'est, voilà. Allez-y, vous en prie. Non. Je ne saurais pas faire ça maintenant. Je sais pas, parce qu'il faut d'abord réfléchir. Qu'est-ce que veut dire habiter ? Qu'est-ce que veut dire le fleuve ? Qu'est-ce que veut dire le bien commun ? Alors, si ça vous dit de jouer à l'exercice, prenez le temps. L'idée, c'est évidemment, Il faut jouer ça avant jeudi matin. Parce qu'après, vous partez. J'habiterai le fleuve. Après, vous habiterez l'eau, carrément. Vous serez habitant de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas trop intellectualiser la chose, là, hein, c'est d'être justement dans un rapport spontané. Il y a des gens pour qui habiter, ça va être juste j'ai un toit, j'ai un sac à dos avec un duvet dedans. D'autres qui vont dire, bah non, c'est un territoire. Enfin, vous voyez, chacun a sa version, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, si pour vous... Ok, je vais vous répondre. Allez. Ok. C'est enregistrement. Donc, il y a la notion, d'abord, la notion d'habiter. Bon, habiter, pour moi, c'est une bulle ouverte. Je suis dans un endroit, je peux y dormir, je rencontre des voisins, je suis dans leur famille, mais que ça. Mais je m'intéresse à l'environnement, qu'est-ce que c'est à droite, qu'est-ce que c'est à gauche, c'est un lieu ouvert. Qu'est-ce que c'est que les gens, qu'est-ce qu'il y a comme oiseaux, qu'est-ce qu'il y a comme machin, est-ce qu'il y a des lapins, des écureuils, des... C'est une bulle ouverte. Habiter, voilà. C'est pas un point. C'est plus qu'un point, c'est vraiment une bulle. Hein okay. Le fleuve ? L'eau, le fleuve. C'est ouvert. L'eau, le fleuve, pour moi, c'est une attirance. C'est une attirance. C'est un peu fascinant, surtout dans l'estuaire de la Loire où c'est toujours en train de changer. Il n'y a jamais les mêmes lumières. J'aime cette rencontre de l'horizontalité, de la verticalité. L'estuaire de la Loire, surtout l'estuaire. Après, quand on arrive à Nantes, c'est différent. Mais l'estuaire, c'est une horizontalité et vous avez des objets industriels. Donc il y a quelque chose qui se passe, il y a une interrogation. Quand on voit de loin la raffinerie de Donge, quand on voit les tours à plomb de Couéron, c'est des interrogations. Puis le fleuve est là, donc quel est le rapport, pourquoi, comment. Donc c'est toujours fascinant. Le fleuve a toujours été un fleuve, et toujours fascinant, pourquoi, comment, et comment ça s'est investi, comment ça a évolué. En plus, un fleuve, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Parce que ça vient de quelque part et ça va quelque part. Après, ça va se perdre dans l'infinité de l'océan, ok. Mais justement, c'est fascinant aussi de dire « Waouh, je pars vers l'infini. Un fleuve part vers l'infini. Ah, » c'est bon. Le fleuve ? Dernière notion, le bien commun. Ah, le bien commun. Le bien commun. Franchement, je voudrais répondre dans la spontanéité, c'est ce qui appartient à l'autre aussi. Sachant que l'autre doit savoir que son bien commun, il m'appartient aussi. C'est dire que dans le bien commun, pour moi, il y a une question de bien personnel. Je suis propriétaire. Wow. Seulement, j'ai une propriété partagée avec tout le monde. Mais je ne suis pas indifférente puisque c'est une partie de moi. C'est ça qu'il faut faire prendre conscience aux gens, c'est que le bien commun, c'est une partie de soi, mais qu'on remet à la disposition de tout le monde et que toutes les parties un petit peu personnelles de tout le monde, ils nous appartiennent aussi. C'est ça. C'est l'échange. L'échange de notre petite partie. Voilà. Super, merci beaucoup. Ça va, ça vous complète? C'est super. Bon, bah, c'est exactement ça que l'exercice qu'on souhaitait. Bah, allez, j'éteins. C'est bon, mais, c'est la fin. J'ai pas préparé. Hein. Bah, mais c'était justement, c'était le but de ne pas préparer.